Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce Radio Shtoub spécial début de saison. Nous allons tout de suite commencer par 15 minutes de silence et de grève contre Blue. À dans 15 minutes. Voilà. Mais non, on déconne. Moi j'ai payé. Hein. Mais oui, on a payé, on est payé. On est payé par Blue. On est payé. À tort, combien es-tu payé par Marc Keller? Oh, beaucoup. Mais j'ai une nouvelle voiture, donc merci beaucoup. Merci Blueco pour la nouvelle voiture. Merci d'être venu avec cette nouvelle voiture sous le déluge strasbourgeois. On va garder le meilleur pour la fin. Alex Co. Oui, le presque meilleur. Bonjour Ligues, presque meilleur. Presque content, presque sous la pluie, mais on est presque bien. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça sera une presque bonne émission. Rouliane. Salut pas ta maman et tout ça. Oui, juste ma mère, ma plus grande fan. Elle est au bout de la rue. Là. Elle est au bout de la rue. On la salue. Et donc, un Shtoubis qui a fait candidature spontanée et qui a été engagé dès la première émission. Donc, alors c'est Erico 67. Est-ce qu'on t'appelle Erico ou est-ce qu'on t'appelle Jean-Paul qui est ton patron? Non, Erico, ça a l'air très bien. Erico. Est-ce qu'il y a... Oui, tu avais dit, genre, il y a une truc... Une histoire derrière ce pseudo, 67 peut-être parce que c'est ton âge. Ouais, ça doit être ça, ouais. Non, c'est juste que c'est mon deuxième prénom, donc voilà, je voulais pas être mon premier prénom en tant que pseudo, donc j'ai mis le deuxième tout simplement. Bah écoute, super, en tout cas c'est cool d'avoir candidaté, c'est cool d'être venu, c'est cool d'avoir ramené de la bière. J'espère que tu vas t'éclater comme nous on se fait à faire cette émission depuis 17 ans. 17 ans après Paolo, après Rachmaninoff. Est-ce que Rachmaninoff ne serait pas dans la salle? Là, mouillé mais heureux d'être là. Bah écoute Rachma, ça fait grand plaisir que tu puisses te joindre à nous, l'heure est grave, c'est pour ça que tu es venu je pense distiller ta science. C'est ça. Bon, par contre t'avais dit que tu gardais le meilleur pour la fin, moi je pensais que c'était Rachma, maintenant le... Non je présentais tout le monde. Ah, t'en as sauté. Allez commencer par le pire. Qu'on te présente, toi. Oui, bah voilà. Évidemment, on va se faire engueuler par ce qui est le maître de cérémonie. Le grand timonier. Gigos. Rudy, a message to you, Rudy. A message to you, Rudy. A message to you, Rudy. Fuck you, Rudy! Dans le studio Gigas du Nedorf, où on peut se garer facilement maintenant, grâce à Jeanne Barzéguian. Avec mon vélo cargo, j'ai eu aucune difficulté à me garer. La voisine, ta voisine Jeanne Barzéguian, qui habite pas très loin. J'ai eu des informations qui ne sont pas concordantes. On m'a dit que Jeanne n'habite plus le Nedorf et que Marc Keller ne dirige plus le Racing. Oh On va investiguer sur tout ça. Mais avant tout, le sportif, c'est la reprise, c'est la joie. On a tous pris notre abonnement à DAZN. Et on a tous regardé ce premier match, puisque personne n'y était ici. C'était trop loin, c'était trop chaud. Il fallait rentrer les poubelles. On n'était pas à Montpellier, au stade de la Mosson, à la Paillade. Stade de la Mosson, France 98. Tout à fait, qu'il y a toujours ce nom. Et toujours exactement la même configuration qu'en 98, ouais. Il y a 26 ans. Alors, sauf que la tribune qui était démantelée, oui. La partie supérieure, l'immense tribune plein cagnard, la partie supérieure était démantelée. Donc elle ne peut plus être utilisée. Enfin, ils ont mis des bâches pour protéger. Je crois qu'ils ne pourraient même pas s'en resservir. Il n'y avait pas du monde justement en bas de cette tribune-là. Mais la partie haute, elle est condamnée. Il n'y a pas assez de monde de toute façon. Ouais, tu veux dire qu'elle est comme le club de Montpellier, condamnée. Exactement. Alors, premier match officiel de Liam Rosenior. Une composition qui... pas de surprise. Une petite surprise avec la titularisation de Johansson qui était arrivé deux jours avant. Oui, c'est vrai. Alors qu'on s'attendait à avoir Robert Risser pour avoir une équipe full U22. Et finalement, on a une caution trentenaire dans l'équipe, dans les 11. Voilà, et deuxième surprise, pas surprise, mais André Santos suspendu pour ce match. Oui. Et donc du coup... Pape Young qui est remplacé. Peut-être sûrement pas le meilleur match du Racing de l'année, hein, on peut déjà le dire. C'était le premier, donc dans un sens c'est le meilleur. Voilà. Il était quand même mieux que les matchs de préparation déjà. Et voilà, on a senti quand même de l'envie tout de suite. Moi j'ai regardé à la télé, bon, je me suis un peu fait chier quand même, je crois que on l'a vu ensemble. Sur une retransmission qui n'était pas officielle. C'était un peu difficile de suivre. Mais ouais, c'est vrai que la première période, elle a fait quand même un peu peur. Hein, parce qu'on a vraiment eu du mal à sortir, à proposer un semblant de jeu, quelque chose. Et on est quand même bousculé par une équipe Montpellier qui a recruté personne de la saison. Qui est une des plus faibles de Ligue 1. Hein. Ouais, enfin bon, sur le papier, il y avait quand même des dons, des mecs qui devaient essayer de jouer au foot. Mais on s'est quand même bien secoué sur cette première période. Ouais. Et heureusement que Johansson était titulaire d'ailleurs ce match-là parce que oui, il en sauve quelques-uns. Il en sauve pas mal. Ouais. Il peut peut-être un peu s'en vouloir sur le penalty. Alors ça, c'était un peu la polémique, c'est un peu plus tard dans le match, mais bon. C'est bien sa faute à lui qui est sifflé. Est-ce qu'il y a vraiment penalty ? J'ai l'impression que c'est lui qui est sanctionné sur le penalty. Il y a deux semi-fautes. Deux demi-fautes, ça fait. Ça fait une faute. Non mais je pense que Johansson accroche quand même l'attaquant. C'est pas hyper flagrant, mais il y a faute. Enfin, on dira pas que c'est Stéphanie Frappard qui était à la barre. Oh, allez, on ne le dira pas. Un peu de misogynie, ça... Eh bien, ça passe toujours. Voilà. C'est l'ADN de Radio. C'est pour toi, PM, qui nous écoute. Voilà. Mais donc, ouverture du score par le Racing Club de Strasbourg. Ouais. Abid Diarra nettoie la lucarne, c'est ça Joli petit but, ouais. Il prend ses responsabilités de néo-capitaine. C'était... Il était capitaine, ouais, tout à fait. Pour la première, il a peut-être fait un match amical, capitaine, je ne sais pas. Si, c'est possible, mais en tout cas, c'était le joueur qui avait le plus de matchs en Ligue 1 sur la pelouse. C'est pas une question. Il a 20 ans. Mais en tout cas, Johansson. Plus que Johansson. Ah non, Johansson a joué à Guingamp. Non, t'as raison. Joueur de champ. Désolé, les haters. Il faudra trouver autre chose. C'est pas sûr encore parce que Guingamp ça fait beaucoup de Ligue 2 quand même souvent. Ah non, c'était Guingamp en Ligue 1, donc 95 matchs pour Johansson. Et combien pour Abid Diarra ? Soyons précis dans les chiffres. Diarra, à l'heure aujourd'hui, pas après Montpellier, était à 67. Voilà. 67, magnifique. Donc à l'époque, il était à 65. C'était son 65e. Donc on corrige, bien sûr. Nous, on reconnaît quand on ment au public. Tout à fait, pardon. Est-ce que c'était pas une passe de Doucouré, non ? Si. Ouais, une passe de Doucouré. Oui, correct. Parce que ça m'avait marqué, je me suis dit, la symbolique est quand même belle. Doucouré et Diarra, passeur-buteur, c'est presque les deux meilleurs d'ailleurs sur ce match-là. Et ouais. c'est les deux seuls qui sont pas recrutés par notre propriétaire actuel, c'est marrant. Et c'est aussi, mais c'est les deux joueurs que le club a fait le forcing pour les garder à grand renfort de com'. Et c'est vrai que c'était plaisant de voir deux joueurs formés ou post-formés au Racing. Non, Diarra, il est formé au Racing. Non, je parle de Doucouré. Oui, Doucouré, d'accord. Post-formé. Diarra est formé au Racing. Prendre leurs responsabilités. Et on sentait aussi que... j'ai senti la télé, regarder les joueurs, vraiment très content d'ouvrir le score. Enfin, ensemble, Diarra, il s'est beaucoup impliqué, ça c'est bien. Alors, on sait que l'année dernière, il avait un peu traîné son spleen pendant quelques matchs. Là, on le sent vraiment impliqué à fond. Rosenior qui presque renvoie Julien Stéphan sur les bancs de la Fashion Week, puisque c'est aussi un entraîneur qui a du style. Bah, il y a ce système sur le habillé. On peut parler du fameux système, parce que tout le monde n'a pas bien, enfin moi je n'ai pas bien compris, le poste de Doucouré. Bah c'était, oui c'est vrai que c'était difficilement compréhensible, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le football liquide. C'est... Oui, bah... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah tu vois, j'ai encore moins compris que... Ça fait longtemps que je pratique, moi. Alors, c'est pas le football du dimanche matin à 10h, voilà. Non, mais c'est une espèce de tactique hybride, avec un peu dissymétrique, avec un Guéladoué qui est latéral droit, mais qui rentre dans l'axe, avec un Wiley qui est beaucoup plus haut. C'est une espèce de 3-3-3-1, avec Diarra qui est presque en relais, en soutien d'Emega devant. Donc c'est vrai que c'est difficilement lisible, mais finalement, Montpellier a quand même réussi à les bloquer relativement facilement. Donc, premier match. Est-ce que quelqu'un a... Oui. Pour moi, c'est quand même un match plutôt satisfaisant. Premier mi-temps compliqué, mais deuxième mi-temps, on a quand même été plus à l'aise. Et donc, je trouve que c'est un point du match nul qui est assez logique. On aurait même peut-être pu espérer un poil plus. Non. Moi, je m'attendais à pire pour un premier match avec un coach qui est arrivé peu de temps avant. Ces matchs à Montpellier, c'est pas forcément toujours évident. Mais c'est pas toujours des super matchs de foot à regarder. On n'était pas loin de le perdre quand même, le match. Oui. Parce qu'il y a Tanguy Koulibaly de Montpellier qui a une occasion assez énorme et qui fait un crochet de 3 km qu'il extend totalement vers la fin du match. Ouais, mais avec un but sur un péno un peu sévère, bon, moi je trouve que le match nul, bon, oui, c'est un point qui est. Un point correct, c'est pas une entame de championnat qui est dégueulasse, quoi. Alors après, c'est vrai qu'on part par rapport à l'an dernier où c'était vraiment affreux de la saison. Ah, on avait pas mal de points sur le début de saison l'an dernier. Oui, mais c'était affreux quand même. Oui, c'était affreux. On bat Lyon avec beaucoup de réussite. Oui, oui. Et après, on a Bellegarde qui nous sort. Voilà, mais là, dans le contenu, pour l'instant, c'est quand même. On voit qu'elle, c'est quand même mieux. On voit du foot. Voilà. C'est déjà c'est plus intéressant. Après, c'est pas vraiment la même équipe non plus. Ça a été chamboulé, l'effectif, c'est plus du tout le même. Il n'y avait pas tant de recrues que ça au coup d'envoi. Hein. J'accepte Johansson qui est le gardien, mais sur le terrain, tu avais Doué, Diong et Wiley au coup d'envoi. Sinon, le reste, c'était des joueurs qui étaient là l'an dernier. Hein. Ah. Est-ce qu'on peut dire qu'Emega est presque une recrue parce qu'il a changé de mentalité et qu'il est une partie pour faire des choses? Il est gentil. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il est un ange. C'est quoi? C'est un ange. Ah, il a accompagné Rabbi Nzingula au train. Ah, c'est mignon. Par contre, j'ai lu sur les réseaux sociaux, Belarouche, par contre, c'est le diable. Parce que maintenant, on peut savoir qui est qui. Ah, tu peux voter. Ouais, tu fais les sondages de Rose 3. Exactement. Je note Rose 3, on l'a dit. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur ce premier match où on se dit, effectivement, on est arrivé un petit peu en slip? Et finalement, on se contente d'un match nul contre une équipe de Montpellier que finalement sont très très faibles. Mais pour nous, pour se mettre en jambes, c'était pas mal. Bah, au vu des matchs de préparation, un match nul là-bas, c'est effectivement déjà pas mal. C'est vrai que les matchs de préparation étaient vraiment très très mauvais. C'était la cata. Déjà, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. On marque le premier point de la saison. C'est pas toujours. Des fois, il nous faut beaucoup de matchs. Et donc, on aborde le match suivant à la Méno. Rénové en partie avec cette tribune sud en travaux. Réception de Rennes avec Magic Juju. Sexy Juju. Oui. Sexy Magic Juju. Il était aussi en vêtements moulants. Ouais. Donc voilà. Très appréciable. Mais je crois que Rosélian. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le match. Faudra voir si. Est-ce que Rosélian mettra des cols roulés? J'espère. J'espère. Ouais, j'espère. Moi, je pense qu'il peut. Moi, je mettrai une pièce dessus. Donc, on reçoit Rennes. J'aime bien ses lunettes aussi, Rosélian. Ouais, j'ai bientôt en changer, donc je vais prendre les mêmes. Donc on reçoit Rennes auréolé d'avoir battu l'OM, hein, c'est ça, j'ai battu. Non, Lyon, d'avoir Lyon, écrasé Lyon 3-0. Donc, on se dit, attention, ça va être compliqué. On a un Rennes conquérant. Là, le Racing prend les choses en main très rapidement. 23e minute, André Santos. La pépite. Là, on est d'accord. De la tête, c'est pas la première fois dans ta tête. Hein, non, contre Metz, c'est la tête. Ah non, c'est du pied gauche. Non, c'est la tête qui marque Santos. Pas le premier. Si. Non, c'est quoi, il y aurait une horaire sur le Stoub ? Bah, Santos, il marque la tête en tout cas. Bah, moi, j'ai souvenir de la tête. Une volée du pied gauche contre. Contre Rennes, ah, c'est exact, volée, c'est juste. Volée du pied gauche. C'est moi qui me souviens quand même. Non, non, c'est moi qui me souviens. C'est Ventura. Je confonds avec le but de Metz, tout simplement. Les fiches sont quand même bien faites sur le Stoub. Je sais pas qui les fait, mais c'est. Ouais, c'est bien fait. Mais effectivement, ouais. Ben oui, c'est un corner, le ballon il. Un ballon qui traîne et il le met genre à moitié de tibia, moitié coup de pied, là, un truc. Et la tête aussi, non ? Non, n'exagère pas. Et ça finit un peu tire-bouchonné dans le coin supérieur gauche. Mais il y a un style de jeu qui est quand même assez agréable à suivre, parce que c'est vachement d'intensité, vachement de course. Donc c'était un jeu assez intéressant. Par contre, je crois que c'est en fin de première mi-temps où Rennes pousse vraiment, où là on a vraiment du mal à sortir. Enfin, on a vraiment eu deux phases dans la première mi-temps, avec d'abord un Racing un peu tout feu tout flamme qui attaquait, qui allait vite vers l'avant, et en fin de première mi-temps un Racing vraiment quasi 10 joueurs de champ dans la moitié de terrain et qui avait du mal un peu à s'en sortir. Je pense que physiquement, là, ce que demande l'entraîneur, c'est très très éprouvant. Donc, les fins de mi-temps, ça va être compliqué à chaque fois, je pense. Moi, en dehors de cette fin de mi-temps, j'ai trouvé Rennes... je pense comme tout le monde, j'étais assez séduit par la prestation du Racing sur ce match-là, mais j'ai trouvé Rennes méconnaissable. Surtout après le deuxième but. Ils ont perdu Bourigeaud, qui était leur maître à jouer. Ouais, ouais. Peut-être parti, mais... pas beaucoup d'intensité, j'avais pas l'impression qu'ils avaient vraiment envie de revenir dans le match. Enfin, il y a des phases où limite ils étaient dans la gestion, en train d'attendre un petit peu voir ce qui se passait, alors qu'ils étaient menés au score. Enfin, je trouve ça étrange. Et pas forcément après le deuxième but, le sentiment de révolte. Alors, ils sont revenus un peu après sur un coup du sort avec Blas, mais il n'y avait pas non plus parce que quand tu prends un but tout de suite dans le but de deuxième mi-temps, bah, t'es obligé de réagir et ils n'ont pas réagi tout de suite. Ouais, j'ai trouvé aussi Rennes qui manquait de caractère. Oui, c'est ça. Ouais, pas d'intensité. Et c'est marrant aussi, alors ils ont quand même eu des bonnes occasions, mais les dernières minutes, j'ai l'impression qu'ils ont même du mal à toucher le ballon. Il y a Strasbourg, limite en vieux briscard, qui arrive à faire tourner. Ouais. Et alors, il y avait déjà 3, hein, donc on était assez serein. Presque 4. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que dans le contenu, c'était quand même assez séduisant. Alors, pour prendre la place de JP Darky, les questions. Les expected goals. Ah, bon. Il y a quand même en fait 0,9 à 1,27. Donc Strasbourg était à 0,9. Ah, c'est Strasbourg. Strasbourg était à 0,9. Et alors, moi, au niveau du ressenti, je pensais pas qu'on était aussi bas. Ouais. Alors, donc en fait, on a quand même été très. Super réaliste. Très réaliste. À noter quand même que les buts contre son camp dans les modèles d'XG ne comptent très peu. Oui. Donc finalement, il faut presque regarder 0,9 versus 2 buts réels que versus 3 buts. Oui. Mais bon, il y a quand même eu un écart. Voilà, donc on est quand même assez réaliste. Ouais. Mais l'impression globale était quand même. Enfin, moi, je l'ai quand même trouvé bonne au niveau de la. On n'a pas été très très inquiet. On a marqué quand même 2 buts quasiment sur des coups de pied arrêtés. Hein. Les deux premiers buts, ils viennent de coups de pied arrêtés. C'est ça aussi, quoi. Je le comprends aussi. Dans le jeu, c'était pas non plus. Oui, le troisième d'une contre-attaque aussi. Bon, une contre-attaque, c'est du jeu, mais. Oui, c'est bien sûr. Transition, mais le coup de pied arrêté, c'est quand même du jeu arrêté. C'est-à-dire que t'as pas normalement déstabilisé vraiment l'équipe adverse, quoi. Ouais. Bah, on le verra aussi contre Lyon, mais on en parlera après, mais c'était aussi pareil. Voilà. Donc après, moi sur le match, en termes de foot, globalement, c'était un bon match de foot. Un match que l'année dernière on aurait qualifié de quasiment un des top 3, top 4 matchs de la saison, qu'on aurait vu. Sachant que dans les top 3 des matchs de la saison dernière, il y a déjà Rennes, week-end de Pâques où on avait fait une prestation vraiment pas mal. Il y a l'effectif qui a tourné, il y a les dernières recrues qui ont participé en morceaux de match à la fin. Ouais. Tout le monde était content, on était près du quatrième but et voilà, c'était, on va dire, une belle après-midi. But des méga. Évidemment. Ouais, but des méga, oui, bien sûr. Encore. Qui a célébré dans le cop. Ouais. Bon, la main sur les oreilles. T'es lié un peu, mais... Ah si, ils l'ont tous fait. Main sur les oreilles, oui. C'est même, apparemment, c'est Diarra qui l'a encouragé à le faire. Oh putain. J'ai pas vu. Non, mais c'est les trucs des trois singes. Ouais. Attention. Carton jaune. Il mettra la main devant la bouche la prochaine fois. Ah non, mais il l'a fait aussi, du coup. Il a fait les oreilles, la bouche. Ah, ok, il a fait les trois, d'accord. Voilà. Ok. Mais je suis pas sûr que c'était un lien avec les supporters du Racing de base. Hein. Donc, ouais, je pense pas. Je pense qu'il voulait enfin juste les trois singes. Il le fait comme de Roll Cost. Oui, voilà, il a marqué dans le cas. Ouais, donc du coup, un match plaisant, dans une nouvelle méno. Un petit peu vos impressions sur cette méno, bah, sur cette tribune. Alors, je sais que Roulian est aussi un camarade de la tribune Ouest. Toi, Alex, tribune Nord. C'est ça, je suis un déplacé aussi. Déplacé. Raconte-moi, je ne sais plus, parce que tu as beaucoup. Tribune Ouest. Oh. Tribune Nord-Ouest. Tribune Nord-Ouest et Ouest-Ouest. Ouest aussi. Ouest. Donc on peut avoir, à part les bourgeois, mais donc il y a des réfugiés en Tribune Nord. Voilà. Effectivement, c'est bien d'avoir leur avis aussi. C'est surtout un avis extérieur sur la Tribune Ouest, mais de l'intérieur, moi j'ai trouvé déjà il y a des toilettes à l'étage. Oui. Ça c'est super. Ah, j'ai même pas vu. Ah ouais. Et quoi, tu es redécoré? Oui, alors moi je suis arrivé tout de suite à l'ouverture et 10 minutes après, c'était redécoré. Mais c'est de la maîtrise d'ouvrage public, hein, donc c'est du bon boulot. Déjà. Contrairement à ce que disent certains dirigeants ou pseudo-dirigeants du club, c'est pas le Racing qui paye, hein, c'est vos impôts et nos impôts. Donc voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a plu, quelque chose qui vous a déplu. La tribune d'un seul tenant, c'est quand même relativement sympathique quand même. Il y a de la place aussi. Il y a de la place, il va falloir un peu se prendre ses marques, prendre ses habitudes, que chacun trouve un peu sa place dans cette tribune-là. Mais globalement, on pense qu'on peut faire une belle saison, une belle ambiance avec un outil comme ça. En tout cas, c'est pas une rénovation que les supporters, je pense, vont dire ah ouais, c'est encore c'est un peu bâclé. Il y a eu d'autres rénovations de la tribune Ouest qui étaient plus mauvaises que ça. Mm-hmm. Là, a priori, il y a des ajustements à faire, il y a des ajustements qui vont être faits pour le prochain match. La fosse et les grillages. Bah, la fosse, elle n'était pas prévue, elle est là. De toute façon, il y a bien une fosse encore. Ouais. Sur une bonne partie de la tribune. C'est ça. Genre, je dirais au moins les deux tiers de la tribune. Mais c'est la même qu'il y avait avant ? Parce que de là où je suis, on la voit pas. Bah, elle est à peu près à la même profondeur, mais elle est beaucoup moins profonde. Et donc, du coup, elle sert à pas grand chose, en toute honnêteté. Si quelqu'un veut envoyer le terrain, il peut le faire. Ouais. Voilà, les grillages étaient prévus, donc ça, c'est pas. Il n'y a rien de nouveau, entre guillemets. Les grillages du milieu. Le grillage du mieux, mais il était prévu sur toute la longueur. Après, sur les extrémités, il est un petit peu surélevé, mais a priori, ça devrait être réglé pour le prochain match à domicile, donc c'est pas un sujet. Non, globalement, c'est à peu près ce qu'il s'attendait, mais il y a encore quelques aménagements qui vont être prévus. Et puis, voilà. Les gens arrivent, ils font penser sur la tribune, il y a des besoins logistiques, il n'y a pas tout qui est ouvert. Hein. Il y a effectivement des toilettes à l'étage, il y a des buvettes à l'étage, mais il y a encore d'autres parties de trucs à l'étage qui ne sont pas encore totalement. Et sous la tribune ouest, tous les aménagements sous la ouest ne sont pas faits. Hein. Oui, là, il y aura une brasserie, hein, c'est ça. Oui, la brasserie 90 plus 4. Bar, ouais. Enfin, le bar. Oui, il y a aussi une brasserie qui sera ouverte sur les bâtiments qui seront sur la fan zone. Annoncé pour février. Ouais. Ah. Ils ont commencé les fondations. Là. Parfait, quand il fera froid. Réfugié à la brasserie. Voilà. Sur la tribune ouest de l'extérieur, moi je vous vois de loin et c'est vrai que la tribune comme ça d'un seul tenant, c'est plus massif, c'est plus impressionnant. Mais en termes de bruit, là, le fait qu'il y a une partie du stade qui est ouverte, ça change quelque chose de l'extérieur ou pas? Parce que de l'intérieur, on s'en rend pas compte. Hein, moi, j'ai l'impression que ça résonne moins. Bah, après, il y avait moins de bruit au premier quart d'heure. Hein. Ouais. Le premier quart d'heure, ça résonne moins. On en parlera, c'est vrai, pour en parler, j'avais presque oublié. Mais non, après, pour répondre sérieusement à la question, tu sens que ça résonne un peu moins avec. Il y a effectivement toute la tribune sud qui est encore en travaux. Ça fait assez bizarre de voir cette tribune en travaux pendant le match. Ça fait des souvenirs, hein. Dire. De toute façon, c'était nécessaire. Hein. Oui, voilà. Il ne reste plus grand-chose de la tribune sud originelle. Oui, il reste quelques poteaux de fondation et basta. Seuls les vieux gros. Non. Les vieux grincheux se souviennent du stade dans les années 80-81, quand le stade est en travaux. En 1933, oui, le jardin est merveilleux contre Sochaux. Avec la tribune qui a Schirmeck. Hein. Jusqu'ici, c'est vrai que, au niveau des travaux, impressionné. Le lendemain de Metz, dernier match du championnat, démolition de la tribune. La tribune livrée largement 15 jours avant le premier match du championnat. Enfin, ouais, ça a été vraiment super. C'est un tour de force. Hein. C'est un tour de force de faire cette rénovation-là, même si c'est que la partie basse. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui sont dedans, on voit très bien le passage entre la partie haute et la partie basse, entre la partie qui n'a pas bougé et la partie qui est rénovée. C'est, voilà, c'est comme si chez vous, vous faites un agrandissement, il y a un truc tout neuf et un truc tout vieux. Mais il n'empêche, c'est quand même un tour de force d'avoir une définition encore. Mais il y a encore des choses qui manquent, des garde-corps, des choses comme ça qui seront rajoutées avec le temps. Mais globalement, c'est un bel outil. Ceux qui ont travaillé pour ça, ils ont fait quand même du bon travail parce que c'est arrivé en temps et en heure et ça fait ça répond à sa fonction première qui est d'accueillir les gens dans des bonnes conditions. Et ça travaille en deux équipes, hein, ça bosse nuit et jour par moment. Ouais. La dépose du toit, c'est faite de nuit. Et sinon, il y a l'extérieur aussi qui a changé, c'est donc la rue de l'extérieur. La superficie, enfin le stade a gagné en superficie. A gagné sur la rue. La rue a disparu. Du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa cette zone qui est agrandie quand on rentre dans le stade. C'était pas très vaste jusqu'à présent, et là on se sent un peu moins à l'étroit. Ouais, voilà, moins à l'étroit, donc ça c'est moi j'ai bien aimé. Après l'accès, moi quand je suis arrivé pour un quart d'heure dans le match, l'accès était hyper fluide. Donc, je sais pas si j'ai eu la chance. Il y a plus d'entrées déjà. Ouais, donc du coup ça c'est. Il y a moins de monde. Moi je m'attendais à ce que ça soit pire. Ouais. Moi j'ai pas trop de doute que quand le stade sera fini, on aura vraiment un truc sympa. Quoi. Ouais. Là-dessus, je suis assez convaincu. Ouais. Et moi le seul bémol que j'ai, c'est sur le toit quoi. Parce que sur les images qu'ils ont montrées, on garde l'ancien toit, du coup, esthétiquement, ça fait vraiment pas beau. Quoi. Tu le repeins, mais s'il est en bon état, tu vas pas jeter un équipement qui est en bon état pour... esthétiquement, on a l'argent, c'est de l'argent public. Est-ce qu'on pourrait pas acheter deux joueurs qui sont en bon état pour prendre deux? Mais ce qui serait intéressant, effectivement, c'est l'aménagement de la fan zone, donc à l'intérieur du stade, donc du côté stade des barrières, mais aussi tout l'aménagement paysager qui sera fait sur l'ancien parking entre la Winkelmar et le stade, où là, il y aura plus de plantations, il y aura une esplanade piétonne qui sera vachement agréable. C'est-à-dire des arbres, pardon. Okay. Des formations professionnelles. Et donc, ce match donc, a débuté, par 15 minutes de silence, grève, initiative des UB90, dans leur combat face à Blouko. Comment vous avez... on va peut-être demander comment ça s'est vu de l'extérieur et après on va voir comment ça s'est vu de l'intérieur. Alex ? Il y avait... moi j'étais au fait de cette action-là. Il y a eu quelques tentatives de certaines personnes qui jugeaient cette action-là légitime d'encourager l'équipe et ça peut s'entendre. Bon, après, tu sentais quand même bien la différence, tu sentais bien que c'était pas le groupe d'ultra principal parce que c'était des tentatives un petit peu désespérées, ça durait une petite seconde et puis ça s'arrêtait. Et après, que dire d'autre on était content d'arriver à la 15e, mais en même temps, moi je fais partie de ceux qui jugent que c'est la bonne manière de procéder et aussi, après, on en parlera, ça fait débat, mais. Il n'y a pas si longtemps, on a dit beaucoup de mal des ultras en France et à raison parce qu'il y avait eu il y avait eu des casseurs, il y avait eu la commanderie, il y avait eu des bus caillassés, etc. Et on entendait toujours il faudrait que les ultras s'expriment de manière poétique, plus pacifiste en tout cas, voilà, ouais, c'est peut-être le bon terme. Et là, pour le coup, c'est complètement le cas, parce que leur fonction première, en tout cas la manière dont on reconnaît les ultras, c'est quand même de chanter. Et là, du coup, je trouve que le moyen était le bon. Donc pour répondre à beaucoup de personnes qui. Il a tendance à dire que ça servait à rien, mais moi je pense qu'au contraire c'est le moyen idéal. Bon. Mais ça fait parler des mois. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus français que de protester que la grève? De foutre le feu. Donc vas-y, toi encore, tu fais partie des outsiders. Je suis entre la nord et la ouest, je suis en quart de virage nord-ouest. Donc tu as fait une demi-grève de 7 minutes 50. Non. Mais en fait c'est du classique, c'est pas la première fois que les ultras font grève. Moi, je me souviens, alors pour le coup j'y étais pas, mais le match contre 3, où là il y avait vraiment bloc fermé, pas de champ. Contre 3, quelle année? Le 2 janvier Le 2 janvier, ouais. Ah oui le match en semaine. Calmez-moi. Oui. Le match lundi à 15h. Je crois qu'ils ont, ils sont même pas venus en tribune. Non, c'était pas boycott, c'était bloc fermé. Donc, match à la télé, match sur l'écran géant avec des merguez. Ouais. Voilà. Mais il y en avait d'autres auparavant, des grèves d'encouragement. Ah oui. Et à chaque fois, c'est les mêmes réactions. C'est le grand public qui exige son dû. Je paye mon billet, je veux l'ambiance qui va avec. Et là, c'est le sentiment que j'avais eu aussi dans mes voisins de tribune devant un quart de virage. des gens, mais qui étaient hostiles, voire haineux, et qui, dès que l'un des capots expliquait le mouvement en début, par exemple, qui se levait, qui faisait des bras d'honneur, qui les insultait, qui disait c'est des connards, voilà. Donc il y a vraiment une cassure qui se fait, qui est pas du tout légitime, mais bon voilà, il y a des idiots dans le stade, il faut bien remplir le stade. Mais voilà, c'est le sentiment que j'ai vu, enfin de ce que j'ai vu autour de moi, c'est ça, c'est des gens qui étaient vraiment en colère, et plus encore des gens qui se sont poussés des couilles et qui commencent à chanter. Par contre, dès la 16e minute, c'est fini, ils sont assis et ils ne font plus rien. Et qui pensent, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, moi j'ai le même sentiment, non, c'est des gens qui pensent que vraiment, ça leur est dû. Ils sont là et ils ont payé pour aller voir leur sortie, ils sont déplacés pour aller jusqu'à la méno, bah, ils auront leur ambiance de la méno. Et sur le forum du Stoop, c'était ça aussi. Non, mais. Il y en a qui disent, ouais, c'est dommage que ça ne chante pas, ou alors c'est honteux que ça ne chante pas. Mais c'est pas. Voilà, les Ultras ne sont pas des prestataires de service, donc ils chantent s'ils veulent. Au-delà de ça, moi, j'ai un avis très, très, très tranché sur le sujet, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même le fait est qui est l'intolérant de qui, quoi. Oui. Les Ultras disent, on ne veut pas chanter 15 minutes. Oui. Ils disent pas aux gens, vous ne devez pas chanter pendant 15 minutes. Ils disent, nous ne chanterons pas 15 minutes. C'est-à-dire qu'on s'applique quelque chose à nous-mêmes, de dire, on ne chante pas pendant 15 minutes. Si vous voulez chanter, chantez bien. Oui. Et à l'inverse, les autres gens disent, c'est inacceptable, et ils gueulent pendant 15 minutes contre les Ultras, en disant, mais c'est pas normal ce que vous faites. Donc ils veulent imposer à la vie des Ultras, ce que vous avez décidé, c'est inacceptable, vous êtes des cons, machin. Mais c'est pas le sujet. On a demandé l'avis à personne de chanter ou de pas chanter. Ouais. Ceux qui veulent chanter, chantent. Ceux qui veulent pas chanter, ne chantent pas. Ouais. Et à la 16e, tout le monde chante ensemble. Ça, c'est le monde rêvé. Dans la réalité, c'est les Ultras se testent pendant 15 minutes. Il y a certaines personnes pendant quelques minutes, c'était vraiment très... Oui, c'était pas dur, qui ont insulté, donc ceux-là j'en parle pas. Il y a des gens qui ont initié à vouloir chanter, pourquoi pas, ça, c'est absolument leur droit, eux aussi, le plus légitime à vouloir chanter pendant 15 minutes. Malheureusement, comme dit, c'est pas des gens qui ont l'habitude, ça a pas pris particulièrement, c'était un petit peu des coups d'épée dans l'eau. Mais à la 16e minute, la plupart de ceux qui ont insulté n'ont pas rechanté. Oui. Les Ultras, eux, ont assuré jusqu'à la 90e. Jusqu'à la centième, 98e même, ouais, c'est là, c'est, vu que le match donc, a duré. C'est juste qu'à la fin, chacun rentre chez soi, se regarde dans le miroir et dit qui a apporté le plus en termes d'ambiance au stade de la Méno. Est-ce que c'est les personnes qui ont insulté pendant 15 minutes? Les personnes qui, elles, ont essayé de chanter pendant les 15 minutes, bah, ils ont fait le boulot, quoi, parce qu'eux, ils pensaient que c'était pas une bonne manière, ils ont essayé de le faire, et ça, c'est respectable. Comme c'est respectable le point de vue des Ultras de dire nous, on n'est pas d'accord, et pendant 15 minutes, c'est-à-dire un sixième du match, je participe à l'ambiance, et pendant les 5-6e du match je fais l'ambiance. Mais voilà, ceux qui insultent et qui sont dans cette posture là, est-ce que c'était une minorité? Je sais pas. Est-ce que ça va s'aggraver avec le temps? Je suis pas devin, je sais pas. Ça va dépendre des résultats, je pense. Et ça, pour moi, ça devrait pas dépendre des résultats. Bah non, mais oui, ça mais doit être décorrélé complètement. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre. Enfin, ouais. Oui, la barrière est là. Si tu perds, tout le monde sera d'accord. Hein. C'est vrai. Mais c'est quoi la valeur de la vie? Ça veut dire que tu n'es pas d'accord pour la bonne raison. Non, mais pour moi, il faudrait être d'accord, pas d'accord, indépendamment des résultats. Oui. Bah oui. Mais si, c'est sûr que si tu es. Si là, on enchaîne les défaites, les gens diront bah ouais, mais vous avez trop raison, les gars. Faut pas chanter pendant 75 minutes. En fait, le fond de la protestation n'est absolument pas corrélé aux résultats. Et ça n'a rien à voir avec les résultats. Okay. Tu peux être premier, que les Ultras ne seront pas d'accord. Tu peux être dernier, que les Ultras ne seront pas d'accord au même niveau d'intensité. Mmh. C'est-à-dire pas plus, pas moins. C'est pas le sujet. C'est une question de fond et de valeur. C'est pas une question, c'est pas une question de forme, quoi. C'est pas une question de résultat et d'immédiateté du résultat. Ah, on a perdu un match, on va gueuler parce que ça va pas. Ça existe. C'est parce que t'es pas content sur les résultats, parce que les joueurs ne font pas. On a eu ça. Ça a déjà existé. Hein, les débâchages. C'est-à-dire que on est en accord avec la direction choisit des joueurs, mais les joueurs ils sont pas bons, ils livrent pas la marchandise, ils mouillent pas le maillot. Tu peux être là le problème il est plus profond, c'est que c'est en désaccord avec Marc Keller qui est actuellement le président du Racing Club de Strasbourg sur le papier. C'est en désaccord avec surtout la politique globale qui est menée par l'actionnaire majoritaire du club. C'est ça le fond. Et quand tu es en désaccord avec une politique, il y a eu un gros débat sur le Stoub qui était de dire est-ce que les Ultras sont politiques. Alors ils sont pas politiques dans le sens où le clivage gauche-droite, qu'est-ce qu'il faut voter aux élections, les représentants. Premier ministre, pas premier ministre. Oui, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un premier ministre vraiment? Voilà, ils sont pas politiques comme ça, mais ils font quelque part de la politique en disant que un club de football qu'on supporte, ça va au-delà de justement le terrain. Ouais. Ça prend en compte les administratifs, les dirigeants de les dirigeants du club, et dire les ultras souhaitent avoir une bonne relation, comme ils ont eu une excellente relation avec Marc Heller sur les 10 ans, peut-être même 12 ans. Peut-être même la relation en France la plus proche entre un dirigeant et les associations de supporters. Il y en a pas beaucoup, hein. Regardez ce qui se passe. Jean-Michel Aulas, c'était pour d'autres raisons. Ça a été tendu aussi. Gérard Lopez. Je crois que l'opinion s'est légèrement retournée. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc du coup, faut peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi des personnes, vous imaginez bien, et peut-être que j'apprends quelque chose, mais vous imaginez bien que les représentants des supporters sont en contact, sont en réunion avec les dirigeants actuels du club, notamment Marc Heller. Pourquoi pendant 12 ans ça se passe bien et maintenant ça se passe pas bien? Peut-être qu'il faut se poser des questions. Alors, certains peuvent pas croire que c'est les ultras qui ont changé de doctrine et de trucs, certains peuvent croire que c'est Marc Heller qui a changé. Peut-être chacun se faire son opinion, mais c'est pas, ils ont pas décidé les matins, et un matin ils sont pas levés les supporters en disant ouais, putain, Marc Heller et Blocco c'est de la merde. Ils se sont pas levés comme ça, ils ont pas décrété ça de manière unanime en disant bah voilà c'est ça et c'est nul. Et non, il y a des faits depuis un an, depuis plus d'un an maintenant, donc voilà, c'est pas, alors c'est on dérape genre. On ne va pas partir sur ce terrain glissant. Oui. Je te vois venir. Érico 67. Je veux dire Érico, tu étais en ouest, mais un petit peu plus haut peut-être, c'est ça, si j'ai un petit peu plus sur la droite ou la gauche, ça dépend d'où Alex regarde. Non, je suis en plein centre de la tribune, mais tout en haut, quoi. Et toi, quel était ton ressenti un peu plus? En fait, moi, c'est plutôt une inquiétude, parce que j'ai l'impression que ça génère des tensions assez importantes entre les UB et le reste de la tribune. Et ça me fait un peu peur pour l'avenir, puisque c'est amené à perdurer. Et j'ai un peu peur que ça dérape à l'avenir et que voilà, cette tribune dite populaire, ben, finalement, ne le soit plus, quoi, à cause de cette grève. C'est un peu ma crainte. Après, il y a un monde, pour revenir sur ce que disait Ratma, où les résultats ne suivent pas, parce que pour l'instant... Alors, c'est plutôt positif, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Si les résultats ne suivent pas, il n'y aura pas de clivage entre... Non, là, tout le monde sera d'accord avec la grève, ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on sait très bien que si les résultats suivent, justement, les gens, ils auront envie d'encourager cette équipe et ça va être compliqué, quoi. Je pense que, justement, moi, je suis tout en bas. je pense que, justement, là où c'était très fort... cette grève, c'est que justement ça fait chier les ultras, ça fait chier le public de la Ouest, ça fait chier le stade, ça fait chier les joueurs, ça fait chier tout le monde. Mais est-ce que ça fait chier Blocco? Non, c'est mais ça la question. Par contre, au niveau du coup de com, j'ai envie de dire, je pense qu'on a le sujet de la multipropriété, le sujet de la politique a vraiment été remis sur le terrain. Je pense que SoFoot ne fait pas d'article s'il n'y a pas de grève. Je pense que Marc Heller ne prend peut-être pas la peine de faire le même interview s'il n'y a pas de grève, puisque même les DNA osent lui poser la question de qu'il est lu de Dain. Écoutez, Nicolas, nous travaillons tous ensemble. Si Vladimir Poutine est d'accord, voilà. Et donc en fait, je pense que déjà, l'objectif de remettre ce débat sur la table a été complètement atteint, parce qu'on touche à quelque chose qui embête tout le monde. Et je pense dans le meilleur des mondes, tout le monde a envie que, en fait, effectivement, comme le dit Marc Heller, tout le monde tire dans le même sens. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la majorité des gens ont compris que la multipropriété n'est pas une bonne chose. Par contre, au moins 50% des gens ont dit que le moyen d'action, qui est de dire 15 minutes de grève, n'est pas le bon moyen d'action. Mais j'ai l'impression que globalement, l'opinion publique a bien compris, et on en parlera après quand on parlera du mercato. Il y a eu quelques éléments du mercato où les gens ont quand même un peu ouvert les yeux en disant « Oh, ça paraît louche », ils ont bien compris ça. Par contre, ils auraient souhaité un moyen plus traditionnel, on fait un tract, une banderole, et ils voulaient... Et ça les emmerde de pas avoir leur 90 minutes d'encouragement, mais seulement 75 minutes. Mais l'avantage de cette action, qui est quand même marquante, enfin c'est visible, c'est que ça oblige presque chacun à se positionner vis-à-vis de la revendication. De se poser la question, de dire, est-ce que je suis d'accord avec ce mouvement, est-ce que je ne suis pas d'accord? Tu reviens sur les propos. Oui, il y a un clivage qui va commencer à se faire. En fait, s'il n'y avait pas eu cette grève... Je pense qu'il y a des gens qui mettaient ça sous le tapis, qui se disaient oh, je n'ai pas d'opinion, moi je veux juste voir le Racing. En voyant cette grève, ils se disent quand même, ils ont raison. Ils font chier. Non, mais ils se positionnent quand même. Ça, oui, non, tout... Je dis pas que c'est tout le monde. Ah, sur le Stoub, on a quand même eu le droit, entre ça et les publications de la Fédé sur la métropolitaine, on a eu le droit à des débats, je trouve, de qualité, où chacun a énoncé son avis, ce qu'on n'a pas pu voir partout sur les autres réseaux sociaux. Sur le Stoub, il y a eu des vrais débats avec des arguments, des gens qui disaient, ouais, genre, oui, ça, d'accord, mais c'est nouveau football, du coup, il faut faire avec, des autres qui disent, non, on peut pas faire avec, et les gens, enfin, il y a eu beaucoup d'avis. Il y a un peu de modération et d'avis, oui, non, ben, ça c'est sûr. Mais il y a eu beaucoup d'avis et d'avis pas vraiment. En fait, j'ai pas vu d'avis très tranché. J'ai l'impression que ce soit les mecs qui soutiennent Bluco, qui soutiennent pas Bluco, genre tout le monde s'accorde un petit peu pour aller dans le même tunnel en disant oui, il y a une tendance qui n'est pas vraiment réjouissante. Il y en a qui disent il faut faire avec, d'autres qui disent non, il faut la combattre. C'est quel est le niveau d'acceptation en fait? Qu'est-ce que t'es prêt à accepter? Est-ce que tu te dis, je veux juste voir un match de foot, un spectacle sportif. Je suis prêt à presque tout accepter. Pour rester président. Non, je parle du spectateur. Ah, pardon. Moi, quand un spectateur qui se dit, il y a du trading, il y a de la multipropriété, il y a des transferts qui sont un peu louches, je m'en fous. Moi, je veux juste voir un match de foot, je veux voir du jeu. Voilà, ça, c'est une partie. T'en as d'autres qui essaient de creuser un peu plus. Et les ultras, c'est un peu ça. À l'inverse, ce que disait Gigas, j'ai pas vu beaucoup, à part quelques trolls, oui, non, mais j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui sont là en train de dire, moi le projet Bluco ultra libéraliste, leur manière de voir le football comme humain. Une entreprise et l'être humain pour se faire du pognon et machin, comme étant un projet, ouais, j'adhère à 100%. La plupart des gens, je pense, ils sont comme ça, ils disent, bon, à la fin, avec vos histoires, vous m'emmerdez un peu. Moi, je veux voir juste un match de foot. C'est ça. La plupart des gens, il y en a quand même très peu, à part quelques trolls, qui font ça presque un peu exprès ou qui voient un intérêt autre qui est peut-être en dehors de ça. Mais à part eux, il y a vraiment très peu de gens qui ont l'air convaincus à 100% du projet. La plupart des gens, c'est du genre, ça me dépasse un peu, ça me fait un peu chier votre truc parce qu'il y avait une bonne ambiance avant, le mur bleu, la tréhine, et que maintenant vous êtes un peu en guerre. Et je peux le mettre en relation avec, par exemple, ce qui se passe dans d'autres clubs, entre à Nantes, par exemple, où les ultras sont en guerre avec leur président depuis 8 ans, 9 ans, enfin, depuis que Kita est là. Ça les a pas empêchés de gagner plusieurs fois la Coupe de France, et c'est pas pour autant que les mecs se sont reniés. Ouais. Et le grand public, est-ce qu'il en a un peu quelque chose à foutre de ce que font les ultras à Nantes? Je suis pas sûr, je pense qu'ils sont balèques aussi. Ils ont bien compris que Kita était un débile, mais ils ont gagné de temps en temps la Coupe de France. De temps en temps, ils jouent la relégation à peu de choses près, machin. Et les ultras, eux, ils sont convaincus qu'Ita, c'est un gros con et qu'ils doivent s'en débarrasser. Et ils restent juste droit dans leurs bottes. J'ai envie de dire, chacun chez soi et vachement bien gardé, quoi. Je me permets d'enchaîner parce qu'on est sur un timing serré. Après donc cette nouvelle mélo qu'on retrouvera bien sûr après la trêve et la coupure publicitaire. Match de gala. Angers. Ouais. Match très important. On reverra notre cher Raoul. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Est-ce qu'il a joué les trois premiers matchs? Oui, il a joué, titulaire. Et il a eu des très mauvaises notes à chaque fois dans la presse. Voilà. Mais effectivement, avant ce grand rendez-vous du football, le Racing se rendait à Décines, dans la banlieue lyonnaise, pour affronter l'Olympique lyonnais. Olympique lyonnais qui a fait un démarrage catastrophique. Deux défaites, rien ne va, pas d'argent. Enfin, là, on est un petit peu sur tous les mots de la. Des transferts de fonds entre des clubs plus ou moins liés au même homme. Voilà, genre là, on était un peu. Enfin, l'OL est encore une fois dans une période trouble depuis l'arrivée de Textor, avec effectivement le mec veut racheter Everton, mais il a pas d'argent pour payer les joueurs de Lyon. Enfin, on comprend rien. Et du coup, il prête des joueurs à Everton qui veut se débarrasser parce qu'il a besoin de faire entrer de l'argent avec les options d'achat. Rentre dans les calculs des NCG comme par hasard. Voilà. Ouais, mais sur le terrain, le Racing va à Lyon où il avait fraîchement gagné la saison dernière. Non, c'est à 2 ans. Ouais, c'est à 2 ans. C'était déjà il y a 2 ans. Ouais. Avec oui, la saison dernière, on a perdu le dernier match. Voilà. Avec ouais. C'était la dernière fois où j'y étais. C'était un hold-up total. Janvier, voilà. Mais donc le Racing arrive avec des intentions. On ne sait pas quoi penser avant ce match. Moi personnellement, je me suis rendu au stade des Lumières. Oui. C'est beau, ce dévouement est beau. Voilà. Bravo. Vous avez pas de problème aux abords du stade Non, par les bouchons lyonnais, il y avait rien de spécial. Oui, ça n'a même pas fait exprès. Avant d'arriver au match, je ne sais pas quoi penser. Je me dis, le Racing fait un bon entame de match, les joueurs ont l'air motivés. Il y a même, je ne sais plus si c'est Doué ou Diong qui dit on a hâte d'aller gagner à Lyon. Je dis, mec, calme-toi. Et du coup, là, il y avait un niveau engouement entre les visiteurs par rapport à d'autres années. Moi, j'ai dit justement 200 personnes. Ouais. Alors que c'est pas terrible. Ça. La saison dernière en Coupe de France, on était 700 en mercredi. Pour un quart. C'était un quart, il me semble. Oui, mais bon, un mercredi. En plus, ils nous avaient fait miroiter qu'ils allaient vraiment la jouer à fond. Ils allaient... Et combien le premier match de la après 4000. Donc beaucoup moins d'engouement. Je sais pas comment il s'appelle leur stade de merde. Parc des Lumières, Gerland 2 bien rempli malgré la mauvaise entame. On sent quand même que les Lyonnais, il y a une attente derrière cette OL un peu remaniée. Ça commence super super fort pour le Racing là, ouais, genre avec une défense de l'OL magnifique du grand Mendes. Ah, moi j'avoue, en plus j'ai vécu le match avec un fervent supporter d'amis. Donc, je peux dire que c'était en stéréo. et là sur le premier but, franchement je me dis putain les gars, on se dit la jeunesse, la fougue, l'attaque, le système, ça fonctionne. Je sais plus qui marque, par contre. Nanassi. Ah, c'est tout de suite, oui. Il s'y reprend et allez. Non, il se reprend plein. Il est plein de sang-froid. Ouais, oui, il fait un, deux, trois fois là. Il attend et après il la pose au ras du poteau. Magnifique. C'est vrai que franchement, belle finition. Mais surtout, et on verra sur les autres buts, une contre-attaque, une projection hyper rapide. On est vite en surnombre. Et qui en plus, la défense de Lyon, je crois que c'est Clinton Mata qui rate complètement son intervention et qui remet en jeu, je crois directement Nanassi d'ailleurs. Enfin, c'est pas Emega qui la dévie plutôt ? Ouais, enfin, vas-y. Il y a Mata qui la touche et en fait, il se manque totalement et le ballon revient sur Nanassi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de passe décisive d'ailleurs. Donc, ça, on le verra sur les autres buts aussi. C'est que vraiment, on a des projections hyper intéressantes avec tout de suite 3-4 joueurs qui attaquent l'espace. Voilà, donc c'est à le déroulé parce que Et ben après Lyon remet un peu le pied sur le ballon, attaque pas mal côté Racing. Un peu beaucoup. Et juste avant la mi-temps, t'as Corentin Tolisso qui égalise après une frappe sur le poteau de Lacazette, je crois. Oui, tout à fait. On va en reparler juste après. Le poteau de Lacazette. Oui. C'est la photocopie quasiment en deuxième période. Oui, le but de Maitland Niles. Mais il y avait aussi pas mal d'actions où Johnson sauve la baraque. Donc on est un troisième gros match de Johnson. Hein. Ouais. C'est Johnson vrai. Incertain en plus avant la rencontre, oui. Il était un petit peu touché. Pendant la semaine, on n'était pas sûr. Il avait Soas. Oui. Mais il est là, il tient la baraque et on peut se dire Johnson la super bonne surprise sortie, je sais pas de quelle poche. Mais qui fait un début de saison Tony Truant, genre, je crois qu'il est quasiment meilleur joueur à chaque fois. Dernier qui faisait le plus d'arrêts, j'ai vu cette stat. Oui, c'est le pourcentage de tirs repoussés, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ce qui n'est pas très bon signe. Je crois que c'était un nombre d'arrêts, je crois. Ouais, c'est quoi, je retrouve. Ce qui n'est pas très bon signe pour l'équipe. Une équipe qui attaque beaucoup, qui encaisse beaucoup. Une petite question pour toi, Guigues, qui était au stade. Comment ça réagit le public lyonnais quand d'entrée de jeu le Racing marque alors qu'il reste sur deux défaites? Non, du coup, le public lyonnais a l'impression qu'il lâche pas trop quand même. Non, justement, je l'ai trouvé, je suis un peu à la fois impressionné et surpris parce que l'an dernier, je crois qu'ils ont pas trop lâché non plus alors que ça a été très très compliqué. Bah, même il y a deux ans. Et je pensais que du coup, cette année, là, que les mecs ils enchaînent deux défaites et après Strasbourg qui vient marquer chez toi, je pensais que ça allait commencer à vous péter. Alors vas-y, donne-nous la jurisprudence Lopez. Avec Bordeaux, tu peux avoir un dirigeant complètement débile à la tête d'un club et les supporters, certains suivent aveuglément. Et donc, ils sont dans le fossé maintenant, Bordeaux. Et maintenant, revirement de situation. Lopez, c'est un enculé, il nous a foutu dans le fossé. J'ai vu qu'il vient de vendre la section féminine à un fonds de pension qui a plus une thune. Ils ont été radiés. Bordeaux féminin était radié de toutes les compétitions nationales. Ça, c'est génial. Alors qu'ils étaient en Ligue des Champions il y a deux ans. Bah, Textor a aussi vendu la section féminine. Voilà. Et donc, du coup, Textor, c'est Lopez bis. Et pour l'instant, ils sont dans le déni. Ils sont juste dans le déni. Donc il... Textor a vendu la section féminine de l'OL, a vendu le stade de la salle de l'Asvel, qui avait été construite par OL Group. Donc il essaie aussi de gratter comme ça. Mais Textor, ça va, il fait du skate et il vide des peintes. Bien du skate. Oui, il était bon en plus. Et il vide des peintes à Besançon en Coupe de France, avec la fameuse vidéo. Donc dans un premier temps, je pense que tant qu'ils ne vont pas crever, tu vois, la dernière, ils ont fait un truc qui était un phénix, démarré comme des merdes, et ils ont fini tout feu, tout flamme. En Europe. Voilà, donc ça a masqué un peu son incompétence. Là, de nouveau, il n'a pas une thune. Passage des NCG en décembre, ça va être la catastrophe. Il va falloir qu'il fasse des simagrées. Encore que devant notre DNCG, j'ai l'impression qu'un tour de passe-passe suffit à passer. Mais un jour, ça se retournera. Mais pour l'instant, pas encore. Non, mais j'ai senti le public, il est justement venu en masse. Et derrière l'Olympique Lyonnais. Et côté Racing, je ne m'attendais plus à cette question. Donc le premier but est arrivé pendant les 15 minutes de grève qui sont respectées à domicile, à l'extérieur, je chante. Voilà. Et donc explosion de joie de toutes les personnes dans le parcage, genre grévistes, non grévistes. Non, en train de dire que les supporters ultra qui font la grève pendant 15 minutes ne se réjouissent d'un but pendant les 15 minutes. Et genre ils sont fâchés quand le Racing prend un but. Donc, en fait, ils aiment le Racing Club de Strasbourg. Non. Je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là. Ça, je sais. Mais du coup, donc, pas de réjouissance, mais pas de chant pendant un quart d'heure. Puis reprise des chants pour soutenir l'équipe. Et match intense. Match un peu fou. Match, oui. Bah, surtout en début de deuxième mi-temps, où on marque tout de suite André Santos. De la tête. De la tête, voilà, c'est de la tête. Voilà. Sur pas mal d'ailleurs. Alors, sur un beau centre de Bakua. Ouais. Par contre, le marquage de la défense lyonnaise, bah, ils sont tous au premier poteau. Et nous, on a trois joueurs libres au deuxième poteau. C'est du grand art. Bah, le troisième ou quatrième but qu'on prend de la tête, c'est aussi. Oui, non, mais je parle de la défense de Lyon. Le marquage, il est aussi flottant, quoi. Mmh. C'est pas le match du marquage. Ensuite, but des méga. Pareil, sur une passe en profondeur. Ouais, avec un de nouveau le Lyonnais qui fait un contrôle de 4 mètres qui lui échappe et Willet qui récupère la balle et, passe, hein. Et qui lui met dans le juste dans le bon tempo. Ouais, par contre, c'est vraiment la conduite de balle des méga, elle est approximative. Elle est approximative, mais en même temps, qui était le défenseur? Caravane. Donc, tu risques. Voilà. Donc le mec, il avait une caravane, mais genre la 3 essieux, tu vois, accrochée à l'arrière. Donc du coup, même quand tu rates la balle, tu t'arrêtes, tu la reprends, elle est entre les jambes, t'arrives encore à le semer et il la met entre les jambes du gardien. Oui. Ça faisait un peu de challenge Wanadou à l'époque avec les U13 qui avaient un peu de mal. Voilà. C'est Raphaël qui... Mais du coup, il finit bien l'action et en fait, on en revient un petit peu à Emega de l'année dernière où il a agacé plus d'une personne avec son côté un peu dilettante. Mais malgré tout ce qu'on veut, hein, Strasbourg qui joue fin de classement... Il finit avec 8 buts et là il est à 2 buts en 3 matchs. Mmh. En n'étant pas incroyable, il met un but de raccro du pied gauche à l'arrache contre Rennes. Là il est lancé en profondeur 2 fois ou 3 fois, il n'en convertit qu'une, alors que c'est 3 fois des occasions monstrueuses. Mmh. Je suis sûr qu'à la fin de la saison, il va finir à une dizaine de buts sans être incroyable et sans ayant convaincu la majorité du public. Quoi. Je pense qu'il n'arrivera pas à convaincre les gens. Et il sera vendu avec une plus-value, ça sera bien. Bah, est-ce qu'il restera titulaire aussi? Ah oui, avec Mara, oui. Je suis pas sûr qu'ils ont acheté Mara pour le laisser sur le banc. Bon, je pense que les deux sont compatibles, donc il y a peut-être aussi quelque chose à voir là. Ils jouent pas vraiment à deux pointes. Hein. Oui. Ce qui nous a quand même, alors là, c'est une digression, mais vous avez vu la vidéo avec sa maman pour Mara. Oui. Quoi ? Audrey Crespo Mara, bien sûr. C'est la femme d'Ardisson, c'est ça ? Oui. Notamment, oui. Oui, c'est la femme d'Ardisson. La femme actuelle. Ah, moi, personnellement, j'ai déjà dit, je ne regarde pas les vidéos parce que j'en ai rien à foutre, mais. Ah non, mais moi, pas c'est clair. Mais là, c'est pas le coup. Tu voulais voir ça avant ? Ah oui, non, mais. Est-ce que vous l'avez vu là ? Non, moi, je l'ai vu. Ah non, mais ça. C'est quoi le truc ? Non, mais. Bah, ils sont venus au stade avec. Ils ont fait la visite. Madame Mara et le papa et tout ça. Crespo Mara. Ouais, c'est Madame Mara, quoi. Ouais, bah, ils ont divorcé avec Monsieur Mara. Et Crespo, c'est... Hernan Crespo, là. Ah, ouais, non, c'est dommage, j'aurais été venu. Il aurait pu venir. Oui. Ça crise, toi. Voilà. Bah, alors, je vous invite tous à aller regarder les mamans des joueurs. Donc, 3-1. 3-1. Et après ? Et après. Qu'est-ce qui se passe 5e minute, 3-1. Voilà. Et soudain, et c'est là, le drame. Ajaccio Racing. Juste pour dire, là je dis à Dani qui me dit. Il me dit, franchement, là, ça va pas. À 2-1, il était stressé. Je lui dis, ils mettent un troisième but, c'est bon, on déroule. On met le troisième but, il dit, t'as raison, maintenant c'est fini. Et là, complètement pas du tout. Mais comme Daya a 17 ans et qu'il connaît pas le Racing. Il a vu l'aveugle. Ah, mais il le vit comme un nouveau match à chaque fois. Et je crois que j'ai rarement vu un mec aussi stressé. Hein, Après, là, je pense que c'est le manque d'expérience qui a clairement joué. Quoi. On prend coup. Parce qu'à 3, après le but de Emega, on prend les 3. 3 minutes. Voilà. À 3-1, tu fermes le jeu, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à attaquer. Je suis sûr que tu restes 10-15 minutes sans prendre un but. Bah, tu gagnes le match. Ouais, parce que tu vois, c'est le fait d'en prendre un tout de suite et de les relancer quasiment dans la foulée. Encore une frappe de la casette sur la transversale. La transversale ? Non, sur Johnson qui la met sur la transversale. Ah oui. Et c'est repris par Maitland Niles, si tu le dis. L'ancien d'Arsenal. Voilà. Et voilà, et après tout change et ils font rentrer Orban aussi. Ouais. Et là, gift. Ouais, c'est un cadeau. Ce oui, surtout Fofana. Malik Fofana fait une super entrée. Et là, c'est marrant, Rosenior fait rentrer. Senaya. Maria pour bloquer Fofana. Ouais, ça n'est pas très efficace. Ça. Et peut-être que Gilbert aurait réussi à le bloquer. Par contre. Là, attention. Senaya, t'as déjà le fait qu'il se casse la gueule sur l'égalisation, sur le penalty à Montpellier. Paraît pas très bien sur l'action. Et là, à ce match-là, il y en a quand même deux buts là sur son côté où il n'est pas GG. Quoi. Et pourtant, Senaya, c'est un genre d'expérience, il a 23 ans. Et après, il a quelques matchs en Ligue 1. Et à Sochaux. Quand t'as un mec offensif comme ça qui est en feu, en général, personne ne peut faire des prises à deux. Quoi. Ouais. Tu peux mettre qui tu veux, aussi fort soit-il. Est-ce qu'il ne faut pas faire des fautes dans ces cas-là? On n'a pas le droit de le dire, mais. Non, mais moi, ce n'est pas la question. C'est que je pense que. Il y a eu des 1 contre 1 et c'est déjà là c'est pas de la faute de Senaya, c'est pourquoi il se retrouve en 1 contre 1. C'est le jeu défensif de Rosenior, en fait, oui, on se retrouve souvent en 1 contre 1. Voilà, là, pour moi, donc pour moi c'est pas une erreur d'expérience auquel le joueur, c'est le jusqu'au boutisme. Ah, c'est une erreur d'expérience de Rosenior aussi. Ouais, voilà, mais oui. Et puis des matchs avec des vieux briscards qui s'écroulent 10 minutes, ça arrive. Ajaccio Racing, ça nous est déjà arrivé. C'est ce qu'on a rappelé, moi j'y ai pensé aussi, à tout de suite. À mon sens, le quatrième but encaissé est hyper symptomatique. Est-ce que vous vous rappelez de ce quatrième but? De quoi il part? Il part d'une interception de saut dans sa surface. Il fait une remontée de balle. Je crois qu'il fait un 1-2 au passage. Il continue de percer. Il perce, il se retrouve dans la surface de Lyon, il perd la balle, c'est là où il a une contracture, parce que là, je sais pas, il a visiblement... Oui, il est pas parti en sélection. Parce qu'il s'est fait un peu bobo, sur cette action-là, donc il revient pas, il reste au sol, l'arbitre n'arrête pas le match, l'action se poursuit, Lyon, pim, et notre ami Orban, tout seul, parce que Doué se fait... Le ballon le passe juste au-dessus de la tête, à peine, hein, genre 10 cm au-dessus de la tête, et derrière, le mec, il est comme à la parade, il a plus qu'à la mettre dans le truc. Ouais. Et ça, c'est prouve bien que les joueurs, là, ils s'est trois partout, leur idée, c'est quoi? C'est de nous en mettre un quatrième. On parle de Sow, qui est le défenseur central, pour le coup, qui avait le brassard à ce moment-là, parce que... C'était pas... Non, Doucouré était sorti. C'est Doucouré qui avait le brassard. C'est Brassard qui avait le brassard. Mais tu dis, là c'est trop quoi. Tu vois, c'est trop. Et ça, pourquoi? C'est parce que l'équipe elle est trop jeune. Je suis sûr qu'en deuxième partie de saison après Noël, un but comme ça, tu le prends pas. Sou est sorti à 74e. Ouais, sur cette action là. Je pensais que tu parlais du quatrième but. Ah non, autant pour moi. Ouais, c'est le 72e. Et je suis sûr que deuxième partie de saison, un but comme ça, si les mecs ils ont un peu plus de bouteilles, c'est un but que tu prends pas. C'est clairement un but que tu prends parce que t'es jeune. Mais je pense que c'est assumé. Moi je suis pas d'accord parce que je reparle du match d'Ajaccio avec des Gamero, des Diallo, il y a l'équipe, c'est là. Ouais, mais il y avait quelque chose. Il y a Thomas Delaine. Trois pénalités de Thomas Delaine. Ouais, franchement. Alors en face, c'est Ajaccio, c'est pas. Oui, mais c'est Thomas Delaine. Thomas Delaine, toujours au club. Ouais, oui. Bon. Comme avait dit Kittel, avec le Neymar du pont en face. Belaïli, oui. Enfin, donc, il y a des équipes hyper expérimentées qui s'effondrent 10 minutes, ça arrive. Alex, franchement, ça arrive. Enfin, je vois pourquoi là, ça serait à cause de ça. Ouais, mais je cherchais. En fait, là, c'était frappant parce que même en menant 3-1, ils continuaient à jouer offensif. Ouais, mais ça, on est. Ils se livraient, ils laissaient des trous derrière qui étaient impressionnants. En conférence de presse, Rosenior annonce qu'il va faire du jeu, quoi qu'il arrive. C'est, ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Bah voilà. Mais revers la médaille, c'est que parfois tu vas perdre des matchs. Ouais, ouais. Et alors attention, voilà. Moi. Mais peut-être qu'on va moins se faire chier et qu'il y a des fois on va chercher des points grâce à ça. Ouais, mais là totalement, moi une je fois suis. De temps en temps, on va. Bah ouais, c'est vrai. Je suis pas choqué du match qu'on fait à Lyon. Et le fait qu'on ait perdu 4-3, pour moi, n'est pas un drame. Et je trouve. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment devant le match. On a vu du foot. Et quand tu vois la bouillie de football qu'on a eue depuis quelques temps. Ouais. Donc pour l'instant, Renaud. Je trouve que il est vraiment un peu trop extrême dans ses concepts, mais par contre, quand il aura trouvé une certaine modération, tu vois, peut-être que je sais pas, il au lieu d'être à 100% tout le temps, il demande à son équipe d'être à 80%. On aura déjà tout autant de jeux et on aura des résultats trucs. Mais en tout cas, moi je reproche pas au Racing un match comme ça. C'était un bon match de foot, tu perds. Ok, en face c'était Lyon, il y avait quand même un super joueur qui s'appelle Lacazette, c'est quand même pas n'importe qui. Et Fofana était très bon quand il est rentré. Mais putain, au moins on s'est pas fait chier quoi. Le jusqu'au boutisme de Rosenior, il pouvait se le permettre là parce qu'il a les 4 points de match, il mène 3-1. C'est un peu comme le gars au poker, il a tout qui lui sourit et puis là du coup il s'enflamme un peu. Mais je pense qu'il va être peut-être plus pragmatique si dans 10 matchs. On a 9 points et que ça commence, eh ben peut-être que là il va se dire bon allez là je commence un peu à mettre de l'eau dans mon vin mais il était sur, il avait le vent en poupe. Toi tu penses qu'il va aller à faire une balle comme ça? Moi je pense que c'est un dogmatique, c'est ça peut être une qualité, enfin voilà, il y a des entraîneurs qui sont comme ça. À Hull, il est resté sur cette position, il avait sa tactique, il n'en bougeait pas. Il pouvait perdre aussi comme ça, il pouvait gagner de manière spectaculaire, mais je pense que c'est un mec qui est vraiment, qui a des convictions chevillées au corps et qui va pas renoncer. En plus, il a, comme dit, il a pas d'expérience non plus. Il a pas forcément vécu encore de gros échecs qui remettent en cause sa méthode de travail. Moi, ça me va. Je m'en fous quoi. Tu vois, moi, j'ai des convictions par rapport au club, tu vois. Oui. Au fond de moi-même, je vais pas bouger mes convictions. Le mec, il est pétri de convictions. Mais qu'il aille au bout du truc. Si au bout du truc, c'est les mecs au-dessus de lui, à un moment donné, dire si les résultats n'arrivent pas, tu sais ce que c'est, le fusible, on appuie sur un bouton. Mais l'entraîneur, il a des convictions, il veut faire jouer son équipe. Moi, je dis, Rosenior, vas-y à fond, fais ce que tu as envie de faire. Et si jamais ça ne marche pas, c'est pas à lui de mettre de l'eau dans son vin, c'est les mecs au-dessus. Et t'inquiète pas que les mecs au-dessus, t'as bien compris quand t'as vu le cas Vieira, que s'il a besoin d'appuyer sur le bouton pour faire sauter le mec, il sautera. Ma virage, je suis pas sûr que c'était pour des raisons sportives qu'ils l'ont sauté. Je pense que c'était plutôt extra-sportif. Les gens qui ont choisi Rosenior, c'est ses potes. Et aussi vis-à-vis des propriétaires, ça va être difficile pour les directeurs sportifs de Racing et de Chelsea de virer Rosenior parce que c'est leur choix. Mais un directeur sportif, ça se vire. Mais un directeur sportif, tu crois que les mecs ils vont pas se renier? Attends, les mecs ils sont plus à ça près, hein, c'est du business, hein, ils en ont rien à branler. Est-ce que je peux tenter? Est-ce que je peux tenter? Est-ce que la YAM y aura jusqu'à Noël? Non. C'est trop tôt. Ah, attends, ouais, c'est mon jeu. Voilà. Vous pouvez reprendre le débat. Oh là là là. Juste extraordinaire. Désolé. Extraordinaire. Juste pour conclure ce Rosenior. Non, allez-y, là, en plus on a des infos. Non, mais enfin, le mec fait quand même un sans faute. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit. Enfin, là, tout est réussi. Je veux dire, c'est un communicant extraordinaire, visiblement, parce que le mec, enfin, je pense que si tu regardes un petit peu ses conférences de presse, ses vidéos, enfin, tout est obligé. Enfin, tout est réussi, tout est lisse, mais tout est réussi. Comme tu disais, il a l'air de prôner un truc qui part plutôt aux supporters en général, c'est-à-dire un jeu porté vers avant, etc., et puis il le met en application. Bah franchement, pour l'instant, tout roule. Est-ce que je peux blasphémer en faisant une comparaison avec un entraîneur au Racing qu'on a connu au Racing et qui avait aussi des débuts un peu idylliques, qui était excellent communicant, qui avait hurlant. Mais exactement. Non mais quiz, j'ai gagné le quiz. On a un peu d'âge. On a connu l'arrivée de Furlan en 2007. Il avait une super presse. Il avait des conférences de presse. C'était un régal parce qu'il parlait de jeu. On sortait d'un an de Papin. On sortait d'un an de Papin où c'était dégueulasse dans le jeu et dans la conférence. Un grand nom, lui aussi, c'est un peu. Il y a, mais putain, mais oui, avec Vieira, ouais. C'est vrai. Ouais. Et les premiers matchs de Furlan, mais on était un parallèle extraordinaire. Ouais. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Dire que Rosénan, il va finir à mettre la main dessus à une secrétaire comme Furlan. C'était pas l'impérant, ça? Il y avait aussi Furlan. À l'impérant, c'était le KGB avec la femme de ménage. On en parlera en off parce que c'est. Mais. On attend tous que. On a tous les 11 défaites d'affilée, du coup. On attend juste que le mec ironie pas sa race. Interrompu, et là. Attends, il y a un Italien dans le championnat de France. Ah bah, il y en avait un à Lyon, mais il a pas joué. Fabio. Ouais. C'était déjà à Lyon. Avec Furlan, Fabio Glos. Le match retour à la Mélo Lyon, faudra surveiller. Il faudra surveiller qu'il ironie pas sa. Enfin, tout ça, quoi. On ne va pas avoir la diarrhée. Ciccolini. C'était Pantaloni, non? Non, c'était Ciccolini, François Ciccolini à Laval. Des meilleures conférences. Non, à Bastia, oui. Bastia. Lyon-Bastia. On a un petit peu chroniqué ce début de saison. On va un petit peu parler du mercato, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. On va peut-être pas parler de tout le monde, mais il y a un ou deux transferts qui ont fait couler de l'encre. On parle des transferts des quasi-transferts. Ouais, on va parler un petit peu du transfert. Ah oui, il faut en parler, oui. Et ensuite, pour faire le pitch, on parlera du futur. Retour vers le futur, peut-être, avec Furlan, Ginesté, Marc Keller, machin. Et RCS Angers, qui est le gros match qui arrive. Et Ross 3, si j'ai marqué Ross 3. Donc, le mercato. On va pas faire la liste. Alors, moi, je vais dire, non, chacun pourrait choisir un transfert qu'il a marqué et on en parle. On aura peut-être tous le même. Est-ce que tu veux commencer? Alors, pour moi, le transfert qui m'a vraiment pas marqué, mais surpris, c'est Guéla Doué. Parce que je pensais qu'on était à droite, qu'on était assez bien munis, quoi. Donc j'étais un peu surpris par ce transfert, mais bon, quand je vois ses premiers matchs, je me dis que finalement c'est plutôt une bonne recrue. Et je suis plutôt satisfait de cette recrue, même si ça me laisse un petit goût amer avec le départ de Gilbert. Quoi. Voilà. Faut le lécher où il est, Gilbert. Ah mais non. Oh là là là. Pas mal. Là, fait un très bon match d'ailleurs, premier match. Voilà, alors apparemment qu'il a doué, mais on m'a dit que c'était un super transfert. J'avoue, je ne connais pas les joueurs de même. Sur les premiers matchs, c'est vrai qu'il est très bon. Franchement, très bon. Oui, c'est vrai que. Après, il n'y a pas de joueur qui m'a dit un truc. À tort, sinon on va faire à tort en dernier parce qu'il va être trop long. Je vais citer Yoni Gomis. Donc, moi, c'est Nanasi qui. Il y a un petit côté frisson qui est sympa, je trouve. On a envie de s'enflammer un peu avec, avec ce joueur. Le Pavel Nedved. On va se calmer. Hein. Bon, après moi, personne n'a regardé le championnat suédois. Moi, je ne le connaissais pas. Hein, voilà. Apparemment, il a international suédois quand même, donc des bonnes références. Est-ce qu'on ne va pas moins bien défendre quand il sera sur le terrain? Ça, c'est aussi une interrogation que j'ai. Mais c'est lui que j'ai envie de suivre un peu. Je pense qu'il y aura des maillots, pardon, plaqués, floqués, aucun truc. Nananasi en bas du tribune ouest. Non, mais en plus c'est vrai que le mec il a tout, il a un peu le style, il met un but un peu sympa, genre en deuxième match, un transfert fait parler. Il a tout pour réussir. Le nouveau Pontus Farderut peut-être. Alex. J'avais juste une petite anecdote sur Nananasi, rapide. L'agent, le fameux agent de Sébastien Nananasi qu'on a tous vu dans une fameuse vidéo, il a joué avec Alex Farderut. Ouais. Voilà, à Landskrona. Voilà. Ah, au football, il a joué au football. J'étais pas sûr. Après, est-ce que ça sera ou alors juste un nouveau Suzuki? Je sais pas. En fait, on s'enflamme beaucoup. Il peut très bien réussir. Ça, trouve, mais... ça sera voilà un sous Suzuki. Quoi? Un sous Suzuki. Oui. On s'arrête plus. Bon. Ah oui, alors un joueur. J'ai un super transfert, un prêt de nos frérots. Moi, j'ai. Caleb Wiley, moi j'aime bien ce joueur, je sais pas pourquoi. Le nom déjà est pas mal, Caleb. Il est américain, c'est classe. Non mais blague à part, moi j'ai bien aimé sur les trois matchs là. On en parle un peu moins, lui. Bon, ouais. Pourtant, Marc Keller est allé voir sa mère. Moi je lui ai fait des pancakes. C'est alors moi pour moi, c'est, tu vois, c'est le mec, c'est Fantomas 2. Quoi. Ouais, c'est, j'allais dire, j'ai pas trouvé exceptionnel. À part la place d'ici, ben, c'est Lyon. Peut-être pour ça que je l'aime. Et elle est superbe. J'ai pas vu le match de Lyon. Mais non, mais elle est vraiment dans le tempo et tout. Le reste du temps. Après, il joue pas vraiment à son poste parce qu'il joue plus ailier actuellement alors qu'il est latéral, quoi, de base. En plus, il vient d'Atlanta, je crois. Non, mais moi, j'ai mais Atlanta, il joue en 3-5-2. Donc ouais. Il a l'habitude d'être un peu plus. Bah, là, il est sélectionné avec les A aux États-Unis. Il me semble que ça va être ses premières sélections en équipe A. Roulian, est-ce que toi, tu as un joueur ouais, j'ai hésité parce qu'après, on va me taxer d'anti-Bluco. Ah, si j'en ai un comme ça. Si j'avais Diego Moreira ou le gardien de Petrovic. Il y avait de quoi faire. Alors du coup, j'ai choisi plutôt un autre joueur. Oscar Pérez. Monsieur Johnson, notre gardien. Le seul transfert qui dénote de tous les autres cette saison avec un joueur d'expérience. Gratuit, bien sûr, parce que nous n'investissons pas sur c'est un transfert Mark Keller, ça, un peu. Voilà. Et le mec, on vient le récupérer, Bordeaux s'écroule, il n'a plus de boulot, et on le fait venir, et deux jours après, il est sur le terrain, et en fait, sur les trois matchs, il a livré la marchandise, quoi. Il prend 4 buts à Lyon, le pauvre, étant fusillé 4 fois, et on aurait pu quasiment en prendre le double sans lui. Et il m'a l'air d'avoir une super mentalité, un bon état d'esprit. Bon, maintenant, on lui a foutu Petrovic dans les pattes, donc... Après, ça peut se renverser. On a déjà vu des Vercoutre Cassard où il y a eu des changements. Ou des Chilavert. Hein, Fernandez. De Bess. Fernandez avec la hiérarchie. Voilà. Mais c'est sûr que si Petrovic nous fait 3 boulettes dans les 5 premiers matchs. Je suis même pas sûr qu'il le change. Ah non, il jouera. Évidemment qu'il jouera. Voilà. On peut faire un sondage. On aime les radios. Les radios sondages. On aime les sondages. Petrovic moi je pense que Petrovic va jouer. Petrovic a coûté 16 millions d'euros à Chelsea. S'ils veulent faire une plus-value dessus, ils sont obligés de le mettre en vitrine. Bah, d'autant plus que. Est-ce que sa femme est copine avec la femme d'Angelo? Non, mais c'est pour préparer l'année prochaine. D'après ce qu'on a entendu, il n'était pas trop chaud pour venir. Donc je pense qu'on lui a promis du temps de jeu déjà. Donc ça m'étonnerait. C'est vrai que s'il va dans un club où il ne veut pas aller pour ne pas jouer, ça va faire beaucoup. C'est problématique. Qu'est-ce que tu peux lui faire miroiter pour venir? Alors que le mec à Chelsea, il était titulaire la dernière à Chelsea. Ouais, mais En deuxième partie. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux lui promettre, à part du temps de jeu à Strasbourg, vraiment une équipe qui joue habituellement depuis quelques saisons la deuxième partie de classement de Ligue 1, la gastronomie alsacienne, qui est gentiment le cinquième championnat en Europe, et on est gentil, hein, bientôt on sera le sixième. Bah, à part le temps de jeu, évidemment qu'ils lui ont promis du temps de jeu. Et il rejoint aussi le club des joueurs dont les fans alsaciens écorchent le nom. C'est Johansson pour beaucoup de gens. Ah oui, c'est Johansson. Non, Pascal. Pascal Ouais, mais non, c'est une espèce de mélange un peu à Johansson à la suédoise, ouais. Tu vois. Comme il y a eu Mads Selt, il y a eu Linhart. Et ben lui, vous verrez. On verra pas trop parce que j'ai l'impression que. Ouais. On le verra plus. Enfin. On le verra plus. Si, on le verra à l'échauffement, fin d'échauffement pour prendre les frappes. Ouais. Est-ce qu'on va se retrouver dans une Cormain Boeuf Sanson où le cop va applaudir genre Johansson? Bah, ça dépendra des prestations de Petrovic. Si, on verra. Ouais, sauf que Cormain Boeuf, il a fermé la bouche à tout le monde au bout d'un match. Voilà, c'était rapide. C'était réglé, quoi. On le verra même pas en Coupe de la Ligue vu que ça existe plus. Ouais. Monsieur Linette veut le remettre. Cette saison. Mais ils veulent le remettre que pour les clubs qui ne sont pas qualifiés. Ce qui est une bonne idée, mais on en parlera en Europe. Ça ne nous regarde pas, voilà. Puisque nous serons qualifiés encore. Parce que je vais choisir un joueur. Alors, à tort, le meilleur pour la fin. Oh, quel joueur, t'as pas encore parlé. Quel joueur nous as-tu choisi, puisqu'on sait que c'est toi qui fais les transferts du Racing? Un peu plus maintenant. Moi, j'ai choisi Diego Moreira. Ah, justement. Diego. Parce que je trouve assez, comment dire, savoureux. Qu'un joueur qui est arrivé libre de Chelsea, enfin libre, c'est un joueur George Mendes, et George Mendes a des entrées à Chelsea avec les directeurs sportifs, donc on ne citera pas. Il est arrivé, il a fait 0 match à Chelsea, il a été prêté 6 mois à Lyon, Chelsea l'a rappelé parce qu'ils avaient besoin de prêter André Santos, parce que sinon ils étaient limités sur les transferts. Enfin voilà. Et en fait, Chelsea réussit à le vendre 9 millions d'euros. À eux-mêmes. Ah oui, mais c'est ça. Ils ont défalqué, quoi. Oui, non, mais. En fait, c'est un des symboles. Il y en a d'autres. Hein. On va parler d'un. Mais c'est passé, transfert. C'est passé assez inaperçu. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'était noyé dans la masse de transferts. Bien sûr. Et en fait, c'est 9 millions d'euros pour un joueur qui a fait 7 matchs pro. Enfin, c'est 8 parce qu'il a fait un petit bout avec Benfica. Et clairement, il ne les vaut pas. Oui. Non. Après, pas pour l'instant, en tout cas. Après, sur le terrain, il nous fait 3 matchs pour l'instant. Mais les. En 3 mois. J'ai vu plus en 3 matchs de Moreira que des grands cires, du Pierre Gabriel. Tu mets Jérémy Sébas, c'est la même chose. Ouais. Non, mais Jérémy Sébas, il a été formé au club, il n'a pas le droit de jouer. Ah oui, pardon, autant pour moi. Quand il disait que c'est mauvaise langue, il est rentré à Lyon. C'est vrai. Quand il disait que ça ne fait pas grand bruit, c'est vrai qu'il y a le transfert apporté, je ne sais pas si on peut l'évoquer. On va en parler après, si, il faut en parler. On est dans le mercato, donc on peut en parler. Alors que le mécanisme est finalement le même. C'est le même, oui, bien sûr. On est sur la moitié du prix, mais globalement, c'est le même mécanisme. Bah, c'est surévaluer un joueur pour le passer d'un club à l'autre. Et ça existe dans beaucoup de multipropriétés. Enfin, Lyon, Textor a fait la même chose. Avec Botafogo aussi. Le mec, il a des nattes. Il est dans l'ADN du Racing. Quoi. Ouais. Il a des super nattes. Ils ont tous des nattes. Putain, arrêtez de. Voilà, ils ont le même coiffeur. Ouais, non, mais. Yo, tu pêches nattes. Il n'a pas montré grand chose sur ses premiers matchs. Après, il a quand même une certaine qualité, je trouve. Waouh. Ouais, je trouve qu'il a certaines tentatives. Il a eu un super article dans les DNA. Ouais, enfin, qui sert la soupe, merci. Voilà, c'était juste pour dire que les DNA servent la soupe. On parle du transfert qui s'est pas fait, du coup. Bah, Gigas n'a pas donné son joueur. Ah oui, Il connaît plus de joueur. Washington, tu veux. Tu peux dire Oscar Pereira pour 5 millions d'euros. Lukovic, personne ne parle de Lukovic. Mais il arrive malheureusement, ça blesse chaud, ça l'a. Pourtant, j'aime bien les sables, mais. Il y en a pas. Non, mais on peut parler de Washington. Bah oui, David Washington. Non, moi j'aurais dit Johnson. Franchement, je. Tu peux pas prendre. C'est déjà oui, non, mais C'est Kumara. Non, je suis quand même surpris que personne n'ait parlé d'André Santos. Mamadou ça. Non, mais Yoni Gomis. André Santos. Sur le terrain, il a quand même mis tout le bâton. André Santos, c'est toujours un prêt. Ouais, mais bon, quand même. Mais c'est un joueur. Plus quand même non négligeable de l'avoir dans l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de gens, même ceux qui n'aiment pas beaucoup, qui n'ont pas reconnu la valeur du joueur, ne serait-ce que l'année dernière et cette année. Justement, c'est le mec qui a les épaules pour être titulaire. C'est un des rares mecs, je pense, qui peut un jour intégrer le roster de. On verra où il sera en janvier. Il y a Porto qui le voulait déjà. Oui, alors ça, par contre, Guémandia était suivi par l'Ajax Amsterdam à l'époque aussi. Non, mais. Tu peux il est toujours suivi. Il faut pas retrouver sa trace. Donc Washington, je sais plus c'est son nom. David Washington, descendant de l'illustre joueur de cricket. Voilà. Donc un non transfert qui a fait beaucoup couler d'encre quand l'équipe a pris un malin plaisir à sortir l'info en annonçant que ça se jouait entre Chelsea sans que Marc Keller ait quelque chose à dire, à part dire oui, peut-être, je sais pas. On est dans les DNA, justement, les DNA cités, alors ils n'ont pas nommément cité un dirigeant, mais ils ont dit en gros, du côté du Racing, on avoue l'information à demi-mot. Donc ça veut dire, je pense que c'est Stéphane Gaudin, quand il a appelé Keller, il lui a appris. Je pense que Keller ne répond pas à Gaudin. Oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai qu'il ne se parle plus. Mais oui, c'est Sébastien Keller qui a appelé son homonyme plutôt. Mais un transfert qui, effectivement, et là, je pense qu'il n'y a eu personne pour défendre cette rumeur de transfert qui nous a tenu en haleine, même après le match, on disait encore, les négociations reprennent. Ouais, ils ont repris. Genre Chelsea, genre El Bali a téléphoné à Todd Bully qui était dans son canapé pour lui demander. On rappelle qu'il était question qu'il arrive pour 20 contre 21 millions d'euros. Sachant que Chelsea avait besoin de 20 millions d'euros. Il l'avait acheté un an avant pour 15 millions. Oui, et pendant un an, je crois qu'il 11 minutes. 11 minutes. Ouais. Oui, c'est des placements. Hein. Tu sais, il y a des placements comme ça, tu récupères de l'argent. Il y a déjà eu la rumeur l'été dernier. Non, l'hiver dernier, en fait. Chelsea voulait le prêter. Ouais, après, ouais. Et ça a été refusé par Vieira et par Keller. À l'époque où il y avait encore Vieira et encore Keller. Voilà. Pourquoi ils voulaient absolument laisser les gars à la pointe de l'équipe? Ah, je sais pas exactement ce qu'il faut croire. Faut croire. Parce que c'est le même poste, il est avant-centre. Oui, il est avant-centre. Ça, il est avant-centre. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce transfert, c'est qu'effectivement, tout le monde a été un petit peu bouclier levé, ça se dit ça, non? Je sais plus. Levé de bouclier. Levé de bouclier, oui, ça se dit. Et en fait, genre, il y a eu deux clans. Il y a eu les gens qui ont dit. Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, ça fait partie du système. Les gens qui ont dit non, c'est trop dégueulasse. Mais en fait, tout le monde était d'accord pour le fait que c'était dégueulasse, c'est trop voyant. Voilà. Donc ça s'est pas fait. Il y a une personne qui a dit, vous avez vu, ça n'est pas fait. C'est une fake news. Ouais, c'est une fake news. Mais derrière, je pense que personne n'a cautionné. Il y a les gens qui ont accepté. On accepte que des Lorrains meurent de faim, voilà. Mais dans le monde, ça arrive. Personne n'a dit c'est vachement cool. Grâce à Blueco, on peut transférer des joueurs de merde juste pour de l'argent. Tout le monde a dit oui. Bon, il y a des gens qui ont dit c'est comme ça, et d'autres gens qui ont dit c'est dégueulasse. Et surtout que Chelsea avait besoin, a priori, d'encaisser 20 millions d'euros cash. Donc ça aurait été juste un transfert de fonds. Et là, on se rend compte, de. Est-ce que tu peux te permettre de nous demander le Chelsea? Je ne sais pas. Problème technique. Ouais. Donc je reprends. Le Chelsea avait besoin d'encaisser 20 millions d'euros parce que ils sont soumis à des contrôles vis-à-vis de la Première Ligue et vis-à-vis de l'UEFA pour le faire plus financier. Et en fait, comme David Washington, ça s'est pas fait. On a vu là ces derniers jours le transfert d'Angelo Gabriel vers Al Nassr. Et il se trouve qu'en fait, pour 23 millions d'euros, je crois, c'était ça, enfin plus de 20 millions d'euros. Mais le mec, il est malin, quand il falsifie sa copie, il change toujours les chiffres, tu vois. Il a besoin de 20, il met 21, 23, ouais, personne ne peut s'y retrouver. Mais du coup, ce qui est intéressant, par ailleurs, Angelo, il n'a jamais joué à Chelsea, ils vont faire une plus-value dessus, de 15 à 23. Donc Chelsea le vend à Al Nassr, qui est un club saoudien qui fait partie des 4 qui sont détenus par le PIF, donc le fonds d'investissement étatique. Et le PIF, qui il se trouve, heureux hasard, qui collabore avec Clear Lake pour la gestion de fonds. Alors, il y avait même à un moment une rumeur, tout au début du rachat, comme quoi derrière Clear Lake, Blueco Strasbourg, Mark Keller, il y avait des fonds saoudiens qui... Il n'y a pas de fonds l'un dans l'autre. C'est vraiment, ils travaillent ensemble sur des investissements. C'est des partenaires d'affaires. C'est pas que Clear Lake qui détient, enfin de toute façon Clear Lake va pas détenir le PIF, mais non, c'est mais pas le PIF qui a des actions. Le PIF ne donne pas d'argent à Clear Lake. Non, ils font des investissements communs. Ils sont partenaires d'affaires. Mais t'avais déjà ça à Chelsea quand ils avaient besoin d'encaisser, c'était il y a 2 ans, quand ils ont vendu N'Golo Kanté et Khalidou Koulibaly en Arabie Saoudite. C'est le même principe. C'est que ça arrange bien de faire circuler l'argent comme ça. Est-ce qu'on pourrait pousser le truc et dire que les transferts aujourd'hui c'est un peu de la grosse pipe où je t'en prête un, je te vends un joueur, je t'en rachète un à 12 millions. Là, regardez, et je te fais tourner les bilans comptables, mais finalement le truc tourne à vide jusqu'au moment où il va se cracher. Bah tu peux regarder le cas de Jake O'Brien de Lyon, un défenseur irlandais roux qui était à Lyon l'an dernier. Alors, en fait, qui était 5 ou 6 buts de la tête. Qui était pas mauvais. Hein. En fait, qui est passé. Qui était bon quand il. Sur coup de pied arrêté, il était bon. En défense, c'était moins ça. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à la base, il est de Crystal Palace. Il est prêté à Molenbeek. Ensuite, il est transféré à Lyon. Et de Lyon, il est transféré à Everton. Et bon, il y a un point commun entre ces 4 clubs. Une personne en commun. Donc voilà. Il n'a pas fini à Botafogo. Pas encore. Après, à Botafogo, il y a aussi le cas de Thiago Almada, mais voilà, acheté par Botafogo, qui ira à Lyon cet hiver. On peut en faire plein, des comme ça. Ouais, mais quand même con d'aller à Lyon en hiver. Ouais, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que les gens disent que c'est pas vrai. Ils ont totalement conscience. Non, mais ils l'ont intégré. Ils l'ont intégré, et en fait, juste, ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent complètement. Ouais, mais... Il regarde, il y a quoi sur le terrain et sur le banc de touche, et c'est ça qui compte. Que c'est des mamas et des machins, des trucs, un joueur qui vient, on l'a pas vraiment choisi pour sa performance sportive, mais ça arrange bien. Mais comme dedans, comme on en a fait venir 10, il y en a quand même 3-4 qui sont vraiment pas mal et qui pour la performance sportive seront là, et ben on avale des couleuvres sur les autres. Peut-être avec un peu de bol, ils seront pas mauvais, au pire, ils sont pas bons, ils repartiront dans un autre club de l'autre sphère, et puis voilà, les gens sont. Mais c'est triste. Monsieur sans foot, vous êtes un salaud. Je vous recadre puisqu'on voulait tenir notre 1h30, on y est presque. Il nous reste 10 minutes pour parler du futur. Et quand je parle du futur, je parle du match face au SCO. Ah non, on fait une émission courte. Hein. Alors, on essaye de tenir parce que les nouveaux radiochouvistes, ils écoutent pas jusqu'au bout. Ah, c'est une nouvelle génération. Ouais. C'est les jeunes. Ça, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Le SCO, tout autre résultat qu'une victoire serait une défaite. Ah, bah oui. Déjà, est-ce que Scotty, le panda, sera aligné? J'espère. Bah, Scotty n'est que à domicile, mais. Pardon? Bah, il ne voyage pas. Mais pourquoi il ne voyage pas? Mais c'est mieux parce que je sais pas si t'as vu le nouveau Scotty. Ah, il y a un nouveau Scotty? Ah, depuis l'an dernier, oui. Moi, j'étais allé à Angers l'an dernier. Ils ont changé Scotty. J'en parle à ma belle-sœur. Ouais. Ça ne me plaît pas. Ils l'ont redesigné, c'est un truc plus lisse, c'est plus. La vraie question, c'est plus qu'il y aura un championnat des mascottes de MMA. Ouais, avec la frige des Paralympiques qui viendrait arbitrer tout ça. Ça serait magnifique. Mais d'ailleurs, en parlant de mascotte, à rapide aparté, Storky n'était pas présent en avant-match du match de Rennes à la Méno. Pardon, je suis en train d'étouffer, mais c'est vrai que je n'ai pas fait. Est-ce que Storky participait à la grève? C'est le Romain Molina de. Ouais. Je dénonce. Et il était quand même présent un petit peu sur les courses. Peut-être que Chelsea négocie une arrivée. Storky a eu 24 ans cette année, donc. Oh merde, ils vont transférer Storky. T'imagines Storky à Chelsea? Merde. Ou Al Nassr. Al Nassr, ça passe pas. Elle a des mœurs un peu particulières. Parce que vraiment, la cigogne, elle a. Migration pendulaire. Bon, alors, le futur Angers. Alors, on va commencer par un petit pronostic pour ce match face à Angers. Roulian a dit tout autre résultat qu'une victoire, ce sera une j'annonce victoire 3-0. avec notamment un but de Emega Ballon d'Or. Et de André Santos, puisqu'a priori... Évidemment, il marque à tous les matchs. Et peut-être Nanasi devant Léo Fender. C'est ma prédiction. C'est assez réjouissant, c'est un programme alléchant. Alex. Un partout, but de Emega et un but d'Aoulou, tiens. Évidemment. Okay. Plus taquin. Voilà. Les deux bons s'affrontent, mais ils ont quelque chose en commun. Rakba. Ouais, moi je reviens aussi un 3-0. Hein. Je suis assez d'accord avec Ouyan. Ouais, je suis sur même les buteurs, il y aura tout ça. Attends, Alors 1-0 pour Angers avec un but de l'Alsacien Esteban Le Poll. Qui vient de Baldenheim. Qui n'a pratiquement pas joué depuis qu'ils sont montés en Ligue 1. Bah oui, mais il est Alsacien. Ouais. Ça c'était avant. C'est à l'époque où si tu étais Alsacien, tu jouais même si c'était mauvais. Sinon, Zinedine Ferrat, parce qu'on l'a annoncé pendant longtemps chez nous. Mmh, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, donc il a fini à Angers. Ouais, c'est un peu le Julien Ferré. Sébastien Grax. Ouais, j'aime bien le rappeler que j'ai écrit l'article d'arrivée de Julien Ferré pour le Stubb. Il n'est jamais arrivé. C'est bon. L'article n'a jamais. Je peux peut-être le retrouver. Erico, toi, un pronostic aussi? Moi, 2-3, je dirais. Un, parce qu'on joue tellement l'offensive qu'on va quand même réussir à se prendre un but défensivement, on prend trop de risques, donc on va s'en prendre un. Un buteur pour Angers? Aoulou. Moi, mon pronostic, 12-0 pour Strasbourg, évidemment. Avec 12 buts de Jean-Vélez. Ça serait la plus large victoire du Racing de son histoire. Ouais, je suis en train de lire l'excellent livre des légendes du Racing. Ouais. Avec certaines choses que je savais, d'autres que je ne savais pas. Mais on en parlera dans une autre émission. Prochaine émission. Je ne sais pas quels sont les matchs qui suivent. Est-ce que pour vous, on va faire un espèce de futur global, est-ce que cette première partie de saison, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes? Bah, il me semble que justement après Angers, alors je suis en train de vérifier, mais je crois qu'après Angers, on enchaîne des gros. Lille-Marseille-Lens. Ouais, on enchaîne des gros quand même. Lille-Marseille-Lens-PSG, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu plus dur. C'est pour ça que d'autant plus que contre Angers, il faudra impérativement gagner pour les 3 points. Bah, c'est bon. Joli. C'est bon. Radio Studio Poète. Je crois qu'on peut, cette année, du coup, on peut vraiment se faire pulvériser par le PSG. Ah oui, oui. Ah oui. Ah bah si on fait des largeurs défensifs comme ça. Genre 8-4. Non, parce que le PSG, tu laisses 5 mètres d'avance à Barcola, ça va être compliqué. Le PSG, on a plutôt été bon contre le PSG quand on est remonté, mais parce que c'était mode commando. C'était Thierry Laurent. Ouais, expected goals poussé à blinde, Baroken qui a eu des balles. Ouais, mais là, si on y va en se disant, ouais, les mecs, on va vous prendre la balle. On a raté de gagner chez vous. Ah, je pense que ça peut mal se passer. Mais c'est le match que t'as envie de voir. Ah, mais ça va être. Ça peut être feu d'artifice. Mais il peut y avoir. On peut imploser. Il peut y avoir 4-1 là. J'étais pas sûr de l'OPG, mais j'ai donné envie d'y aller. Je mets des sous sur le 0-0 là après cette prédiction. Mais par contre, si on perd contre Angers et que derrière, le calendrier difficile. Ah, ça se complique. Ça peut faire 6 défaites d'affilée. Il y a Lens qu'on a passé. Là, tu rallies les gens. Ouais. Là, il y a plus de communication. Tu espères des défaites. Mais évidemment. Oh, non, je l'assume. On est à 1h25. C'est trop. Non, en fait, on est Radio Stubb resserré. Est-ce qu'on a des petites annonces, un appel au public, quelque chose à dire? Les questions militaires? Alors, j'ai rien. Ah, t'as une question militaire? Non, mais je peux regarder. Non, je peux faire semblant. Oui, Marc? Mais non, mais on va pas la publier, l'émission. Évidemment qu'on va pas la publier. Ross 3. Ouais, voilà. Non, Pierre? Oui, Pierre, j'ai vu, ça va. Bah, il va mourir, mais... Mais sur ce... je peux pas me lever pendant une heure. J'ai pas fait le cours Florent Malouda, moi. C'est... Bon, on salue Pierre Ménès. Hein. On salue Pierre Ménès. Bon, il nous a bloqué, mais... Je pense qu'il nous a bloqué. En tout cas, on le remercie pour toute la pub qu'il nous fait. Ouais, qui fait au poste de la Fédération Espagnole. Une nouvelle de Persic, une question Radio Stubb, du 5 décembre 2023. Ouais, il a signé en Bosnie. Il n'a pas signé en Bosnie. Il était à l'essai, mais je ne sais pas ce qu'il a signé. Ah. Par contre, il y a deux mecs qui sont portés disparus, c'est Motiba et Gamero. Motiba s'entraîne toujours à Karlsruhe, a priori. Ouais. Bah, il est à Karlsruhe, est-ce qu'il s'entraîne? Je ne sais pas, mais il est à Karlsruhe. Et Gamero, il s'entraîne. Il s'est entraîné au centre de formation il y a quelques. Motiba, il est souvent au Kabich, à Kel, surtout aussi. Ah, bah, ça, c'est les infos qu'on va avoir. Il profite de la vie. Hein. D'accord, mais c'est quand même un peu décevant, quoi. Tu vois, tu quittes et puis tu trouves même pas un dernier challenge. Bon, Gamero, ça peut être vraiment au bout, quoi. Oui, bon, pour Gamero, je pense qu'il y a eu des propositions, mais il regarde aussi par rapport à la vie de famille. Enfin, il faut, je sais pas, une école internationale pour les gamins, par exemple, ou ce genre de choses. Bah, il voulait la MLS, c'est ça. Non, mais il va pas, par exemple, signer à Chypre dans un petit club. Il aurait pas pu aller, genre même pas aux États-Unis, il aurait fallu un truc. En tout cas, c'est là qu'il voulait aller. Clairement, après, il y a beaucoup d'investissements dans le coin aussi. C'est vrai que les États-Unis sont un peu entier. Tout le monde se dit que ça peut être cool, tu vois. Mais... Ah bah oui, ouais. Après, le niveau, il a quand même monté. Vincent Degara, il aurait pu briefer sur les États-Unis. Est-ce qu'on a des nouvelles de Patrick Vieira? Oui, il est sur la zone. Il est dans une publicité très malaisante où il est devant la caméra, comme ça. Je sais pas si vous avez vu ce truc, mais... Ouais, j'ai pas encore vu de match sur Dazone, mais avec lui au commentaire, ça doit être. Non, attends, pas jouissif. Bah, il est mieux que Walid Acharchour, parce que lui, il est inaudible. Ah ouais, je regarde de mettre abonné. Non, mais Patrick Vieira, quand tu voyais ses conférences de presse. Mais déjà, le français, c'était compliqué pour lui. Donc, comme ça, le d'ailleurs. Donc, en fait, même les mecs du Loft ont trouvé des clubs à Oulu, Persic, tout. Il y a Sobol et tout. Non, il y a Mathieu Dreyer qui n'a pas trouvé. Oui, Mathieu Dreyer, tu vois, là. Je sais pas ce qu'il fait. Bah, des tarformeurs, ouais. Par contre, il est dans l'obligation de s'entraîner maintenant avec le groupe pro. Ça, c'est les chartes LFP. Ouais. T'as plus le droit d'avoir de Loft, entre guillemets, après le 1er septembre. Voilà. Ils sont obligés de s'entraîner ensemble. Ah d'accord. Ça en fait du bon. Donc le fait c'est pas de t'entraîner que avec un entraîneur de pro, c'est t'entraîner avec le reste. Ouais. Ça c'est une disposition que l'UNFP avait obtenue. Après on va dire que Dreyer, genre que ce soit l'année dernière ou cette année, qui s'entraîne ou s'entraîne pas, il change pas grand chose. Je sais pas pourquoi on l'a pris. Voilà. Et je pense qu'il fait des super performances. Mais faut que je l'invite bientôt. Voilà. Eh ben, on est arrivé pile à 1:30. Voilà, on va finir par notre cri de ralliement, qui n'est pas Marc Heller enculé. Ah, pardon. On n'a pas fait de Marc Heller d'émission. On a pas Est-ce qu'on en fait quand même un avant? Ou alors, on fait qui d'émission? Non, Marc Heller, Laurence Stewart. Non, on fait quand c'est évident, on le fait pas. Ouais, c'est ça. Coup, tu as fait quand on était sixième du championnat. Sixième du championnat, on fait Marc Heller d'émission parce que quand on le pensait pas vraiment. Quand on le pense vraiment, on le fait pas. Là, déjà, il a démissionné. Celui qui est parfait, c'est Rosenior, c'est lui qu'il faut dégager. Bah oui, Rosenior d'émission. Rosenior d'émission. Évidemment. Et allez, Blucco Castor. Et allez, merci. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing. Délicieux, tradition et le quiz. Radio Stup, c'est la radio dans le Stup. Radio Stup, c'est le Stup dans la radio. De cartes de presse, juste des packs de pierres, de rouge et des saucissons. L'odeur des vestiaires est notre passion. Radio Stup, c'est la radio dans le Stup. Radio Stup, c'est le Stup dans la radio. Tradition. sang et le cuir.